Indestar. Indestar. Là où tout commence. Là où tout commence. Effectivement, c'est là où tout commence et vous entendez peut-être cette musique dessous. C'est une musique qui fait un peu peur ou pas, hein, selon si vous avez des frissons faciles ou pas. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2020 et le 31 octobre, tous les ans, c'est Halloween, la fête qui fait peur. Halloween, la fête qui nous vient d'outre-Atlantique et qui s'est propagée en France comme tel le coronavirus. C'est plutôt bien pour le Halloween, le coronavirus. Ça fait peur à beaucoup. Comme le coronavirus, Halloween doit faire peur, mais on n'a pas les mêmes symptômes non plus. Les caries. En tous les cas, que ce soir nous faisons cette émission chacun de notre côté, que tous les rageux se calment, genre oui, vous êtes en studio tous ensemble et machin. Je peux vous confirmer que non. Franchement, on aurait été bien. Ça aurait été sympa, effectivement. On aurait préféré. Nous respectons les règles. Mais on respecte les règles et on a la chance d'être en 2020 et d'avoir une technologie quand même suffisante, malgré qu'on n'ait pas tous la fibre, et que Linda qui est chanceuse dans l'histoire. mais on a la chance de pouvoir faire cette émission chacun de chez nous, et c'est déjà pas mal. Ça nous permet d'être ensemble et avec vous ce soir pour une émission spéciale Halloween. Donc vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre lit, siroter un jus d'orange, tout en écoutant cette magnifique émission que nous allons vous proposer ce soir. Est-ce que j'en fais pas un peu trop? Je ne sais pas. Beaucoup trop. Surtout pour le jus d'orange. Je déguste un petit rhum ambré Havana. Mmh. Tu vois. Ah ben non mais là c'est trop poussé. J'étais parti sur un verre d'eau. Après je me suis dit jus d'orange parce que top, orange ouais. Parce que Halloween tu vois. Voilà. C'est la fête, laisse partir. Un petit jus de potiron bio. Faut pas devenir alcoolique pendant le confinement. Non plus. Ah non, pas du tout. La fête. Oui, mais la fête. Ouais, mais tu sais, de boire de l'alcool tout seul à la maison comme ça, ça fait un peu genre. On n'est pas tout seul, regarde, on est tous là. Là, on est tous là. Virginie d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chin, les gars, les copains, les copines. Et bah, Virginie. Parce que ce soir, donc oui, il y a Virginie qui est avec nous. Il y a Teddy qui est en studio et c'est grâce à lui qu'on gère tout. Salut Teddy. Oui, bonsoir. Bah oui, effectivement. On t'entend pas depuis le début. Oui, mais Teddy est-il là? Mais oui. Non, c'est parce qu'en fait, je suis à Indestar, je suis dans les locaux et je suis un peu chez moi. Avec nous aussi. Oui. Salut. Salut. Linda. Oui, coucou, salut. Oui, non, je suis pas là. Il y a Virginie. Yeah. Ah, il y a Audrey. Bonsoir. Est-ce que Théo est dans les parages? Ouais. T'en as pas oublié, hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on vous a prévu ce soir pour Halloween? Ouais, genre Martin. Ah oui, mais je suis là aussi. J'avais été sûr qu'il avait oublié. Ah, mais quel bâtard. Non, mais le mec s'en fout, en fait. C'est ton stagiaire. Mais non. Mais non, j'adore Martin. Mais en fait, sur mon Discord, il est en rouge. Il n'y a pas forcément le nom. Alors, autant Audrey, je te vois. Il y a une photo. Il y a la photo de Virginie en mode belle gosse aussi. Et il y a la photo de Linda en mode années 80. Mais il n'y a pas de photo de Martin. Voilà, années 80 photo. Oui, en mode sur ta photo. Comment y remédier? Je crois que tu as un truc profil et là tu peux mettre une photo de toi. En fait, c'est parce que t'as pas de photo donc t'as pas de nom, t'existes pas en fait. En fait, pour tout vous dire, on est des novices sur Discord. Pardon. C'est tous des novices. Linda, je te rejoins. Moi aussi. Non, mais c'est vrai que voilà, on avait des salons de créer. Alors je crois qu'on appelle ça comme ça. Il y a des salons. Chanel. Ouais. Voilà, où il y a un petit canapé, un petit fauteuil tranquille. On est sur un des salons parce qu'on n'a pas su les modifier, mais en tous les cas ça marche et on est ensemble et avec vous et c'est ça qui compte. Donc je le disais ce soir parce que au départ vous avez peut-être vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier qu'on vous a mis. On avait prévu le grand jeu, hein, c'est-à-dire qu'on voulait vous faire une émission à l'extérieur en direct, voilà, avec un décor cinématographique et tout ça. Là c'était Spielberg. Bon, on a fait la vidéo qu'on vous a partagé et dont on n'est pas bien fier, qui m'a valu de son. On a été malade, ouais, comme des gens. Exactement. Par contre, on n'a forcément pas pu faire l'émission en direct, donc il y avait des jeux qu'on avait préparés et c'était des jeux où on était obligé d'être physiquement présents tous ensemble pour les faire. Donc on les a squeezés. Par contre, on vous a gardé plein de choses, notamment des blind tests. Alors avec toi, Linda, tu auras tout à l'heure un quiz. oui. sur la fête d'Halloween. Oui. Tu nous as réservé aussi un blind test sur les films. Oui, sur les films les plus connus. Donc on va écouter des extraits de films et puis à nous de reconnaître, on va jouer tous ensemble et vous pourrez jouer à la maison. On vous a réservé aussi un blind test où j'ai mis ensemble, alors ça n'a aucun intérêt artistique, hein, c'est-à-dire que je me suis dit mode Halloween, je mets deux musiques ensemble qui n'ont rien à voir, type bootleg, sauf qu'il n'y a aucune patte artistique, les deux sont mélangés, c'est du n'importe quoi. Ça s'écoute même pas en fait en vrai. Ça s'écoute même pas, mais il faudra pourtant deviner les deux titres, donc on jouera ensemble et puis on vous a réservé aussi des petites histoires d'Halloween. Des histoires flippantes qu'on a chacun préparées. Mais pour commencer, parce que vous fêtez peut-être Halloween à la maison d'habitude, hein, vous allez frapper aux portes des maisons pour aller demander des bonbons, tout ça, tout ça. Mais est-ce que vous savez d'où vient la fête d'Halloween ? Alors, je peux poser la question à l'équipe, mais je pense que Audrey sera la plus à même de nous répondre parce qu'elle a préparé, elle a bossé dessus. Il paraît qu'on fait ça quand on est confiné. Non, mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez d'où vient Halloween dans votre esprit commun ? Bah pour moi, alors déjà, la fête, elle vient des États-Unis. C'est ça. Et c'est en rapport. Enfin, il y a plusieurs légendes, mais je crois que c'est même d'Irlande à la base. J'ai des vagues souvenirs. Du Mexique, il me semble. Mexique. Alors, ça, c'est la fête c'est des morts. C'est la fête des morts, ouais. C'est los Días de los Muertos. Et ça, c'est la. Oui, mais parce qu'en fait, on parle Halloween, qui est donc la fête des morts, donc pour célébrer les morts. Sauf que dans toutes les cultures, dans toutes les religions et dans toutes les traditions, il y a une célébration des morts, que tu appelles différemment. Et d'ailleurs, en fait, nous, on a Halloween en France, et ça s'appelle la Toussaint. Exactement. Que plus personne ne fait maintenant. Enfin, mes grands-parents le font. Moi, je l'ai jamais fait. Je sais pas si vous de votre côté. Ça n'a rien de festif, comme d'ailleurs beaucoup de fêtes des morts en France, hein, que ça soit un enterrement ou la fête des morts, etc. C'est-à-dire que oui, la Toussaint, c'est en gros, c'est aller au cimetière, aller rendre visite à Tata Germaine qu'on n'a pas vue depuis 2 ans. Quoi. Et mettre des fleurs un peu aussi. Et mettre des fleurs, ouais. Voilà. En parlant des fleurs, justement. Bah, donc en fait. La Toussaint, c'est donc la fête de tous les saints qui est le 1er novembre. Et la fête des morts, c'est le 2, le lendemain. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de fleurs, Linda, qu'est-ce qu'on met comme fleurs sur les tombes habituellement ? Des marguerites. Non, il y a une variété, c'est des... Ouais. Oh là là. Des chrysanthèmes. Chrysanthèmes, oui. C'est ça. Des chrysanthèmes, exactement. Et vous savez pourquoi on met ces fleurs-là et pas, je sais pas, des pissenlits Parce que c'est moche, les pissenlits. Peut-être que ça se garde plus longtemps, non ? C'est la fleur de l'automne. Eh ben Virginie et Théo, vous avez en partie raison. C'est parce que déjà elle pousse à cette saison et qu'elle résiste très bien aux premières gelées. Mais c'est surtout parce que en 1919, le président de 1919, oui. Raymond oui, Poincaré, le nôtre, hein. peut-être. Donc Raymond Poincaré avait décidé que toutes les tombes devaient être fleuries parce qu'avant il mettait des bougies et il a décidé que c'était trop triste. Et surtout aussi pour faire un peu marcher les fleuristes. Il a instauré l'idée de mettre des chrysanthèmes sur les tombes. Ça veut dire que les marchands de bougies se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain. Voilà. Petite pensée à eux. Et tu sais qu'après, ils ont pensé mettre des éthylotests quand ça n'a pas marché dans les voitures, mais ça n'a pas marché non plus, ils n'ont pas voulu. C'est quoi le rapport avec les fleurs ? Non, c'est parce que tu dis ça crée un marché, tu vois, le marché des fleuristes. On s'est dit, vous voulez les mettre sur les tombes, on va vous créer un marché. Donc je pensais aux éthylotests qu'ils ont voulu rendre obligatoire dans les voitures. Ah non, ça a juste pas créé un marché, c'était juste pour rendre ça plus sympa que des bougies en fait. C'est surtout parce que c'était la fin de la guerre, 14-18, et qu'il y avait plus de thunes pour les bougies. La bougie, c'était à la graisse de cochon, et c'était pour s'éclairer, et voilà, va-t-il. Donc les fleurs, ça coûte rien à cultiver, à faire pousser. Et à fleurir, c'est joli. C'est vrai. Par contre, il faut les entretenir, contrairement aux bougies où tu peux les laisser beaucoup plus longtemps. Oui, bah faut entretenir ton cochon. Ouais, faut entretenir le cochon. Ah ouais. Oui. Oui, oui, oui. Et donc, donc ça, c'est notre fête des morts en France. C'est la Toussaint. Mais cette fête, c'est une fête catholique. Donc, ouais. Elle est dans plein de pays catholiques, anglo-saxons aussi. Et exactement, Teddy, tu parlais, ou c'est Jolan qui parlait de l'Irlande. C'était Théo. Autant pour moi. C'est Théo qui parlait d'Irlande. Exactement. En Irlande, en 1845-1850, il y a eu une grande famine et la population irlandaise a immigré aux États-Unis. Et dans leur valise, ils ont emmené leurs traditions. Et eux, ils ont une fête qui s'appelle Samhain, qui est donc la fête des morts, de l'obscurité, du renouveau, et qu'ils ont ramené avec eux. Et pendant sa main, ils faisaient des jack-o'-lanternes avec des navets creusés. Parce que c'était ce qu'ils avaient sous la patte, ils avaient des navets. Moi, je vous invite à écouter correctement Audrey, parce que vous allez avoir plein de réponses à mon quiz. Ouais, bah, le jack-o'-lantern, ça nous rappelle. Est-ce que du coup, Linda, tu veux que je dise moins de trucs? Ah non, dis, ils ont écouté ça, ils pourront jouer. Tout le monde on verra s'ils ont été attentifs. C'est ça. Et donc, ce jack-o'-lantern, qui est donc un navet creusé avec une bougie pour éloigner les morts de sa porte, c'est d'ailleurs pour ça qu'on se déguise, c'est pour confondre les morts, puisqu'on dit que le jour de tous les saints, une porte entre l'outre-monde et le monde de nous, des vivants, est ouverte, et que les morts ont la possibilité de passer. Et pour les tromper, pour pas qu'ils nous maudissent, on se déguise en vampire, cadavre, squelette, etc. pour les tromper, pour nous faire arriver le... Enfin, ne pas arriver le malheur à la maison. Mm-hmm. Et donc, une fois que ces Irlandais sont arrivés aux États-Unis, il n'y avait plus de navets, et qu'est-ce qu'il y avait là-bas de plus simple et que nous maintenant on connaît tous? Des curcubitacées. Des pumping. Des curcubitacées. Et oui, ça fait partie des curcubitacées, oui. Des pumping, et donc de pumping pie, de pumping latte. Parce qu'une fois qu'on a creusé la chair de la citrouille, on peut la faire en plein de façons différentes. Il y a même du pain de citrouille qui est fait aux États-Unis. Ouais. Et dans les. C'est pas très bon. Ah bah ça y est, le boulanger se réveille. Pardon. Ouais, mais j'en ai goûté parce que dans une boulangerie, j'en ai déjà fait. Théo, on est aux États-Unis. J'ai jamais vu des boulangers faire des citrouilles, perso. Si. T'as même avec. Bah, c'est-à-dire qu'en même temps, les boulangers font pas trop les citrouilles, tu vois. Non, mais du pain en citrouille, du pain orange, c'est intéressant pour la coloration, je trouve. Enfin. Quand on le faisait, je trouvais que ça donnait des trucs et on mettait les graines au-dessus, des graines de... Exactement, parce que dans la citrouille, tout se garde, même les graines, tu peux les manger, tu peux les faire griller comme des pipas, c'est hyper bon. Et c'est très bon pour la santé, après. Mais personnellement, le pain de citrouille, je vous le déconseille, c'est dégueulasse. Mais... Okay. C'est dégueulasse, mais c'est beau, donc ça va. Oui. Par contre, enfin, sur les origines d'Halloween, là, on parle de l'Irlande. Il y a plusieurs, je vais pas dire plusieurs théories, mais disons qu'il y a plusieurs. Ça vient de plusieurs choses. Il y a plusieurs religions qui se rencontrent pour créer d'une origine celte. L'héritage de la fête religieuse de Samhain ou Samhain, je sais plus comment. Oui, bah, c'est ce que j'ai exactement dit, Théo, mais tu m'écoutes. D'accord. Tu t'en bats la race, très bien. C'est exactement ce que j'ai dit. Tu t'en bats la race. La race. Complètement. Tu t'en bats la tête. Ah, d'accord, ok, d'accord. je la note. Ok. Et donc, sauf que Samhain, c'est pas celte. On dit que c'est celte parce que, à l'époque de la grande famine, justement, écossaise, les Anglais ont voulu enterrer un peu le problème en disant « Non, non, mais l'Irlande, vous n'êtes pas à part, vous faites partie du Royaume-Uni. » Ils ont créé une culture commune et ils ont dit que c'était une tradition celte, alors que pas du tout, en fait. Genre, les Celtes, ça n'a rien à voir avec le bousin, quoi. D'accord. Il y a une fête du solstice pour les Celtes, mais il n'y a pas de Samhain. Samhain, c'est irlandais. Okay. Et du coup, la fête de la bière? La Saint-Patrick? La Saint-Patrick, oui. C'est irlandais aussi, oui, clairement. C'est après, ça. Ouais, c'est après. Je crois que c'est devenu mondial, ça, à force. La bière à la citrouille, peut-être? Ah non. Oh. Ah, bah, je sais pas. Il y a bien une bière au beurre. Oui, mais ouais. Bière au beurre. Oui, mais ça, c'est du HP, ça. Oui. Ouais, et c'est dégueulasse en plus. J'ai une bière, c'est du Nord, la bière au beurre. Du Nord. C'est pas totalement faux. Et donc, une fois que les Irlandais sont arrivés aux États-Unis, dans les années 30, les USA ont assimilé totalement la culture de Jack O'Lantern, puisque eux-mêmes avaient la Toussaint, The Eve of All Hallows, qui s'est transformée en Halloween au fur et à mesure des déformations. Ah, ok. The Eve of The Eve of All Hallows. Te force pas. Te force pas. C'est pas grave. Très très très compliqué. Okay. J'ai du mal. Et donc, dans les années 90. Halloween débarque en France, grâce entre autres à France Télécom. Pardon. C'est parti. Pardon. Il y a tout qui se marre, mais oui, pareil. Et alors Teddy, je sais pas, doit nous lancer un son, mais il s'en fout. Ah pardon, j'étais perdu. Non mais France Télécom tout de suite là. Allô, qu'est-ce que tu fais pour Halloween? Ben, je sors. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que vous faites pour Halloween? Et voilà. Donc voilà, on a entendu Halloween, c'était donc un téléphone orange de la marque Orange, enfin France Télécom. Là, ça parle à Virginie et Linda. Ah oui, Ola, c'est vrai, j'avais mon premier forfait sur Ola. Ola, carrément. Mais exactement. Et donc, en fait, le Ola, pour le vendre, puisqu'ils ont fait une édition spéciale Orange avant que France Télécom soit Orange, avant que. Oui, c'est ça. Et ils ont mis en place, en 97, 8000 citrouilles sur le Trocadéro. C'est quoi un Trocadéro? Le Trocadéro, c'est une place à Paris. Mais il était sérieux, Teddy? Mais je parle français, moi. Je parle pas espagnol. Mais Trocadéro, c'est une place à Paris. C'est une place à Paris. Et je suis pas parisien, donc j'ai le droit de pas connaître. Bah, je te le dis, c'est tout, c'est une place à Paris. Merci. Et en fait, ça a tellement bien marché que jusqu'en 99, ils l'ont fait dans plein d'autres villes de France. Et pour le 31, donc, ils installaient des centaines, des milliers de citrouilles sur des places principales à Bordeaux, à Lille, à ce que tu veux. Et donc, le téléphone Ola s'est vendu comme ça. D'accord. Et c'est ça qui a lancé la mode d'Halloween en France. Halloween en France, exactement. À la fin des années 90. Je suis assez d'accord là-dessus parce que on en parlait d'ailleurs en off avec Virginie et Linda. On est d'une génération un tout petit peu plus ancienne que Teddy ou Jola, par exemple. Et quand on était petit, on fêtait pas Halloween, quoi. C'est venu un petit peu plus tard. Ah, mais c'est venu hyper tard. Moi, je le fêtais pas non plus. Hein. Ah, bah moi, ouais, enfin, fin des années 90, quoi. Donc, ouais. J'étais ado, je me rappelle. Enfin, ma sœur a commencé à fêter Halloween avec les fameuses portes pour réclamer des bonbons, etc. Ma sœur, qui est un petit peu plus jeune que moi, elle a commencé à fêter ça au début de son adolescence, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai fait ça perso. T'es déjà allé taper aux portes et réclamer des bonbons? Bien sûr, quand j'étais jeune, oui. Et même quand j'étais moins jeune, quand j'avais 20 ans aussi, je le faisais. Parce qu'il adore les bonbons. Bien sûr, évidemment. J'ai jamais fait. Sais quoi, l'année prochaine, si on n'a pas de confinement à Indestar, on va faire une tournée de bonbons. Allez, on y va. Allez, voilà, c'est lancé, c'est acté, paf, c'est dit. Et les bonbons, après, on les fera gagner à nos auditeurs. Alors, s'il en reste, oui. C'est les radins, tu sais. C'est pour le bien de notre santé, attends. Oui, on vient quémander et puis après, on vous les offre, voilà. Effectivement, c'est pas nous. Bon, moi je reviendrai pour la fête de la bière, hein, les gars. Ah, bah ça, je veux bien venir aussi. On fait une spéciale Sainte-Patrick au mois de mars, d'accord? Sans problème, allez, c'est acté aussi. On va être déchirés. Il faut inviter un brasseur par contre, hein, c'est obligatoire. Ouais, carrément. Moi j'en connais un, donc ça va. Un brasseur irlandais? Parfait. Bah, sur Amboise, il y en a chez nous. Ouais, il y a un garde à Amboise. J'étais en train de penser, Ed Sheeran, est-ce qu'il est irlandais? Oh, ça y est. Bah oui, il est irlandais, c'est. Mais c'est la transition avec sa musique. Mais oui, bien sûr. Mais faire des transition, musique, voyons. Transition. Bah oui. Et effectivement, Newman, c'est la reprise d'Ed Sheeran par Jack Donaldson sur Indestar maintenant. Et juste après, Teddy, tu nous feras un top sur les 10 films d'horreur à voir absolument. Et on aura aussi le blind test film d'horreur proposé par Linda. Indestar. Indestar. Là où tout commence. Bienvenue sur Indestar, là où tout commence et en cette soirée d'Halloween confinée chez nous, nous profitons d'une bien belle émission tous devant notre fauteuil, notre canapé, notre bureau. Je sais pas comment vous êtes installés, Audrey. Vas-y, Linda. Je suis dans ma salle de jeu, tu sais. J'ai tout installé. Oui, t'as une salle de jeu. Ah oui, wow. Linda, elle a une villa, quoi. Ouais. Place internationale. Justement, Linda, toi, tu nous as préparé dans ta salle de jeu, c'est aussi ta salle de film, hein, c'est ça? C'est ça, je suis passionnée un petit peu en film, enfin à la maison. On dit tout, hein, t'as un rétroprojecteur, t'es posé dans ton canapé avec le rétroprojecteur, son Dolby 5.1, tout ce qui va bien. Non, peut-être pas quand même, j'ai une barre de son, quoi. T'as une barre de son, ouais. Et là-dessus, tu peux regarder des films d'horreur, et t'as extrait des extraits de films d'horreur, et tu vas nous proposer un petit jeu. L'idée, c'est qu'il y a 15 morceaux que l'on doit découvrir. Oui. Et celui qui aura le plus d'extraits gagnés remportera le jeu. En sachant que moi, en termes de culture cinématographique, je suis une merde. Mais voilà. Ne t'inquiète pas, je vais vous aider. Et que moi, je peux pas participer. Est-ce que les sons sont connus déjà pour commencer? Alors justement, j'en ai pris des anciens, des nouveaux, des un peu. Voilà, il y a tout et n'importe pour tout le monde. D'accord. Alors, On a dit que forcément, Linda, tu ne joues pas. Teddy, tu ne peux pas jouer non plus puisque tu as les extraits. Parce que j'ai les sons en face de moi et je vais aussi compter les points, si vous voulez. Comme ça, d'accord. Donc tu comptes les points, d'accord. Ok. Ouais. Donc il y a Jolan qui joue, il y a Martin, il y a Audrey, Virginie et moi. Moi, je vais perdre. Est-ce que j'en ai oublié? Non, j'en ai pas oublié. Il y a juste pas Linda qui joue. Non, par contre, je vous informe qu'il y a autant des films que des séries. D'accord. Okay. Théo, tu joues, hein, tu m'as dit. Hein, qui ne mêlera pas à gagner. Moi, je regarde pas de trucs d'horreur parce que je suis une grosse flippette, mais ça va le faire. Tapette, pardon. Oui, complètement. C'est quoi ce site gratuit? Mais bien sûr, c'est gratuit. Que c'est... Teddy, tu veux bien nous mettre le premier, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Allez, maintenant. On commence. Il faisait son tableau avec les joueurs. Ouais, mais je l'ai fini, je l'ai fini. Premier extrait. L'estreux, c'est pas. Attention, écoutez bien. On l'entend pas. Vous l'entendez pas? Vas-y, je le mets à fond. C'est bien. Rassurez-moi, vous l'entendez quand même. Ouais. C'est pas ça. C'est un dessin animé? Alors, c'est une non, pas vraiment. Un roman. C'est là. C'est Stephen King. Ouais, bien joué, mais quoi? Déjà, elle a un nu. Ouais. Non, non. Shining, là, tu sais, quand il fait du tricycle dans le couloir. Christine, je vous aide, mais je pense que si je vous dis un exemple, vous allez trouver de suite. Si je vous dis, il y a un clown. Ah, ça va. C'est ça. Voilà. C'est ça, effectivement. C'est ça. Du coup, je donne le point à qui. Un point pour Virginie. Un point pour Virginie parce qu'elle a dit Stephen King. Et un point pour. Est-ce que vous voulez des infos sur ça, du coup, vite fait? Vas-y, vas-y. C'est un personnage qui sort d'un long cycle de sommeil tous les 27 ans, en fait. Et il sort et il va se nourrir d'humains, principalement d'enfants. Voilà, magnifique. Et il est déguisé en clown. Non, c'est un clown. C'est une créature pas très jolie. Hein. Ouais. Mais c'est là j'aimerais bien la peur des clowns, quoi. J'aimerais ouais, qu'on écoute un peu, là. J'ai horreur des clowns, moi. Non, mais tout le monde c'est quoi ce son techno, là? C'est plus de l'horreur, ça? On est d'accord? Vas-y, là, on écoute. Vas-y, voilà. Écoutez. Ah bah merde. Ah bah non. Non, on n'écoutera plus. C'est reparti au tout début. Mais si vous avez suivi... Ah, après, tu veux dire. Ah oui. Ouais. Ça faisait... De quoi? C'était toujours ça, là? Ouais, là, oui, c'est toujours ça. C'est toujours le premier extrait, ouais. Mais en gros, il y a eu un moment où ça faisait... Ça faisait genre techno, je sais pas quoi. Et là, David Guetta est passé par là. C'est ça, voilà. Bon, passons au deuxième extrait. Deuxième extrait. Oh, X-Files. Non. Buffy. Non. Vous connaissez pas ça? Nul à ça. Putain, si je connais. Je sais plus tout ce que c'est. C'est facile. Faites ça. L'exorciste. Men in Black. Exorciste. Men in Black. Non. Putain. Vous rendez compte que là, nos auditeurs doivent se tirer les cheveux là. Je connais. C'est un film de 2018 pour le dernier et le premier était en 1978. L'exorciste? Non. Et si je vous dis que le principal personnage, c'est John Carpenter? Ah, Freddy Krueger. Et que Freddy le titre... Krueger. Non? Ah bon? Et le premier titre du premier film, c'est La Nuit des Masques. Ah, Vendredi 13? Eh? Tu es presque? Oscarim? Oh, 14. J'allais le dire. Casse-toi. Vous l'avez pas, du coup, je vais vous donner la réponse. Ah ouais. Oui. Halloween, tout simplement. Halloween. Oh putain. C'est Halloween, bah oui. Un point pour Linda. Moi, je suis hyper nul. Bah, okay. Moi aussi. Bon, alors, prochain extrait, alors. C'était ça, et c'était Halloween. En fait, des mots tellement lambda, on aurait pu les sortir sans savoir non, le mais coup. La prochaine fois, tu sors citrouille, bonbon, ça marche. Où il est tellement mauvais perdant, laisse tomber. Non, mais je suis sûr que je vais perdre à ce jeu. Le mec est salé, quoi. Troisième extrait. Allez, je vous aide. Pour le troisième, c'est une série. Non, ouais. Une série. Strange Mercy. Non. C'est pas Linda qui a dit. Non. C'est Buffy. Tu veux les aider, c'est ça? Mais arrête avec Buffy. Par contre, attendez, Virginie, elle se rapproche de la réponse parce qu'il y a des vampires, effectivement. Ah. Vampire et tralala. C'est Chica Vampiro? Non. En vrai, faut penser tellement plus simple, les gars. Ou les filles. Non mais on a un petit peu plus de niveau quand même. Entretien avec un vampire? Alors déjà, c'est une série qui est sortie en 2020, donc c'est très récent. Est-ce que vous allez connaître Vampire Diaries? Elle est sortie non, sur Netflix. Non, c'est pas sorti en 2020, ce Vampire Diaries. Non. Sur Netflix, alors. Sur Netflix. Pensez simple. Pensez très simple. Ah, toi, tu connais? Non, moi, je connais pas, j'ai juste le... Ah oui, t'as la réponse, toi. C'est de la triche. Oui. Pensez très simple. Mais oui. Pensez avec très simple. J'ai dit vampire. Pensez vampire. Eh ben, ça s'appelle vampire, on va dire. Non. Non. Pas loin. C'est pas loin. Non. Théo, réfléchis un poil plus. T'as dit quoi? Dracula, c'est bon. Dracula, voilà. C'est Audrey, hein. C'est Audrey qui a dit Dracula, on est d'accord. Je voulais pas vous le dire. On est d'accord, c'est point pour Audrey. C'est Audrey qui l'a dit en oui. premier. Voilà. Bravo. Oui, c'est enfin, galéré de ouf. C'est moi ou c'est dur? C'est dur de ouf, mais parce qu'on est nul en horreur, c'est tout. C'est ça. Allez, attention. Le suivant. C'est Stranger Things, non? Non. C'est un film, ça. C'est Buffy? Peut-être qu'elle arrivera à le placer à un moment en fait. Quand les deux filles, c'est la meilleure. Qui a dit la mer noire? C'est moi qui ai dit la mer noire. C'est pas loin. Ouais, t'es pas loin. C'est vrai? La veuve noire? Pour avoir la musique? Ouais, parce que j'entends rien du tout. Tu veux quoi? Que je monte la musique? Ouais. Ah bah j'avais à fond. Mais ça pète, ouais. Ça pète un peu, je la baisse toujours un peu. On entend que dalle là. Là, vous entendez que dalle? Bah attendez, je monte un peu. Ouais. On n'entend rien du tout. Bah y'a que de la musique là. À vrai dire, y'a pas grand chose à écouter. Hein. C'est juste un fond musical. Bon, bah je vais vous dire du coup. Ouais. Ça c'était la nonne. L'affiche, elle est horrible cette affiche d'ailleurs. Je la trouve plutôt jolie moi. Ouais. En plus, les effets spéciaux sont dégueulasses. On dirait que le gars est sur un hors-board. C'est nul à chier. C'est un film de 2018 quand même. Donc il y a des films dégueulasses, c'est pas très vieux pourtant. Et bah, Matt se fait des films qu'on a fait une très bonne parodie, il faut le regarder. D'accord. Ok, prochain extrait. Ouais, alors ça c'est 2020, c'est plus récent aussi. Hein. Allez. Ah là, vous l'entendez sûr. Oui. C'est quoi, une série? Non, c'est un film. Non, je sais pas. Alors là, je sais pas. Chez moi, le projet Warren, c'est Jumanji. Alors, je vais vous donner juste l'intrigue un petit peu du film. Comme ça, ça va peut-être vous aider, vous allez y arriver. Monsieur Wark donne vie aux rêves de ses invités, mais leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars. Ah non, c'est pas le labyrinthe de Pan. Je sais pas s'il est connu, ce film. Alors en fait, c'est une adaptation d'un film, d'une série des années 70-80 en fait. Putain. D'accord. Théo, t'es pas né quoi. Non, vas-y, dites-moi en plusieurs, on va voir si ça passe. C'est en ski hutch. Non. On a déjà, je vous ai pas donné. Alors, je vous ai pas donné l'indice, mais ça se passe sur une île. Sur une île? Walking Dead? Walking Hill? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas un film avec Brad Pitt, non? Ah non. C'est un truc de japonais là, non? Non. Ah oui, c'est un film. C'est un film. Alors, je vais vous expliquer du coup l'adaptation. C'était l'adaptation du film L'île fantastique. Parce que si vous auriez écouté, il réalise les rêves. Vous vous rappelez pas de cette série? Non. Mais on n'était pas nés, Linda. Théo, on était vraiment pas nés. Théo, il vit dans les années 50, il était pas né. Mais moi, il y avait un petit carré blanc, j'avais pas le droit de regarder des films d'horreur, c'était pas possible. Mais alors, à l'époque, c'était pas un film d'horreur, c'était un film pour toute personne, et c'était un petit gars avec un autre monsieur qui réalisait les rêves sur une île, tout simplement. Sauf que là, c'est très bizarre. Dans le film, c'est autre chose. Là. C'est très très bizarre, un monsieur avec un petit garçon sur une île. Mais bon, je vais passer le prochain extrait, je vais me taire. C'est une ambiance Halloween, quoi. Oui, d'accord. Tu vois, il est connu par contre. T'as dit quoi? Les choristes. Non, c'est pas un film d'horreur. C'est assez mignon, effectivement, mais c'est pas... Bon. C'est mignon, mais quand même. Ouais. Bah, Esther ? C'est un film, non. On est d'accord, Linda ? Oui, c'est un film qui est... Alors, la dernière version en 2019. Personnellement, ce film-là, il me fait pas du tout peur et je trouve ça même rigolo. Alors, je vais juste vous donner le titre en anglais. C'est Children Plays, la poupée du mal. Mais non, c'est Chucky. D'accord. Chucky ? Chucky, ouais. Ouais. C'est Audrey encore, hein. Bon, alors... De toute façon, rien, mais je connais rien. Attends. Je vais chou blanc, moi aussi. Le prochain extrait, il y a possibilité que vous le connaissiez. T'es comme moi, Théo, tu connais que Buffy, quoi. Théo, tu veux que je te raconte vite fait ce que c'est, vite fait ? Oui, oui. Alors, je t'explique. La tueuse. Attends, c'est un tueur en série qui est en cavale, qui a des connaissances en voodoo, qui est traqué par la police dans un magasin de jouets. Et en fait, à l'issue de ça, il réalise une incantation et il transforme une poupée. En fait, il se met dans l'âme, il met son âme dans la poupée, en fait. Et d'accord. Du coup, il se barre en poupée, quoi, en fait. Et je peux te dire que le premier, le Chucky 1, mais qu'est-ce qu'il est rigolo, putain. Tu vois le petit bout de truc qui court, là, c'est trop marrant. C'est, ça fait pas du tout peur, hein. Voilà. Ouais, bon. Et il y a eu un projet Warren sur Chucky, non? Un projet quoi? Ah non, c'est sur Annabelle. Autant pour moi. Annabelle, il fait un peu plus flipper, je trouve. Dis donc, pour une nana qui regarde jamais les films d'horreur. Non, je la regarde pas. Elle connaît tout le synopsis. Les acteurs. C'est pas les films d'horreur qui m'intéressent, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Moi, j'aime bien, par exemple, Halt 236 ou. C'est des chaînes YouTube. Halt 236 ou. Obscurantum ou. Ou Maccabée, ou des choses comme ça, c'est des chaînes YouTube de qualité. Comment ? C'est pas des chasseurs de fantômes ? Y a pas que ça, non, mais c'est... Non, c'est surtout du débunkage, de la vulgarisation. Qu'est-ce que c'est l'histoire derrière l'histoire ? Genre, d'où ça vient, les dossiers Warren, d'où ça... Enfin, c'est vraiment l'idée du truc, tu vois. Théo ? Non, mais il y en a plein, des très bons. Dis-moi si je me trompe, Théo, mais ça ferait un super bête quand Audrey parle. De quoi ? Là, ce qu'on entend ? Tout à l'heure, tu veux dire ? Non, là, j'entends pas en fait quand Audrey parle. Nous, on n'entend pas ce qu'il y a dessus. C'est moche. Audrey, si tu parles en permanence, ils n'entendent pas. Bon, est-ce que je passerai le. Enfin, est-ce que je passe le prochain ? S'il te plaît. Alors, bien sûr. Vas-y. Faut qu'on accélère un petit peu parce que. On fera pas à tous, à mon avis, mais bon, tant pis. C'est connu, ça. Attention. Ouais, et ça a commencé en 2004. Il y a déjà eu 9 films. C'est Fast and Furious. C'est Saw, bravo Jolan. Voilà. Prochain extrait. Attention, ça va aller très vite, ça aussi. Oui, c'est une série. Oula. C'est Buffy. oui, Virginie, oui. Non. C'est une série récente. Carton d'ailleurs. Ah, Lucifer. Oui. Yeah, wow. C'est Virginie. Yeah. Oui, c'est Virginie. Étonnamment, elle connaît deux séries. Elle connaît pas Buffy et Lucifer. Bon, c'est bien, allez. Ah, j'adore. C'est le prochain. Ouais. Le prochain, c'est un canon. Film. Ouais, voilà, c'est ça. Plein de potes qui bavent. Et il y a pas que les mecs qui sont canons. Ah ouais, tous les joueurs dedans. Ouais, tous les joueurs, ouais. Les filles aussi, hein. Miam, miam, miam. Allez, le suivant. Bah, il a commencé, mais on entend juste quelques notes, en fait. On dirait une musique pour enfants, tu sais. C'est ça, les boîtes à musique. Ouais. Justement, c'est une petite fille, le personnage principal. Esther ? Non. Annabelle ? Oui, bien joué. Ah, bien, ouais. Ah. C'est à Annabelle, là, qu'on me la présente. Sinon, c'est une poupée dégueulasse. Elle est horrible. J'aime bien ce film. Moi, je trouve que celui-là, il est pas mal. En vrai, j'aime bien. Vas-y, suivant, Teddy. Suivant. C'est un peu plus vieux, c'est 2002. Je connais pas du tout celui-là. Buffy. Oh. Non, Buffy, c'est des années 70. On est au extrait, là, pour le moment. Dixième. C'est le dixième, ouais. Ça vous parle pas. Il y a des vampires encore dedans. Chica Vampireux. C'est le mot communisé par tes filles, Virginie. Bon, allez, je vais vous le dire et puis on va mettre le suivant. Alors celui-là, c'est la reine des damnés, en fait. C'est encore des... avec une reine et... Et des damnés. Oui, voilà. Une reine et des damnés, voilà. Fin. Allez, prochain. Le suivant, spécial dédicace pour Jojo. Bah c'est gagné alors. Ah, ouais. Il a dit, Jolan. Je l'ai dit. Ouais, il l'a dit. C'est vas-y, suivant. Prochain. Suivant, ouais. Ah, X-Files. Disnote. Non, le truc là de Stephen King là, comment ça s'appelle là, non. Le silence des agneaux. Non. Ah, là, c'est l'exorcisme. Ah oui, l'exorcisme. Non, c'est pas Stephen King, c'est l'exorcisme. Oui, bah là, c'est l'exorcisme. Pardon. Oula, mais c'est qu'on a une égalité. Oh, on va se départager avec la prochaine, peut-être. Ah, c'est pas dit. C'est un titre de... C'est une musique de 1994. Oula. J'ai été née, mais... Men in Black. Attends. Écoute. Ça joue entre Jolene et Virginie. À moins que Audrey trouve tout d'un coup. Mais... Non. Buffy. Non. Buffy, on va l'entendre jusqu'à la fin. J'entends rien, chez moi. Ah, je suis à fond. Tais-toi, elle te dit, on n'entend pas. Je vois pas, là. C'est une adaptation d'une bande dessinée, en fait, de 89. C'est pour moi. Non. C'est pas horreur, Astérix. Et attends, quand les romans, ils se prennent un menhir sur la gueule, quand même. C'est pas de l'horreur. C'était quoi, Linda, du coup? Alors c'était The Crow et le personnage principal qui est un... Ah, je connais, c'est pas, tu vois. Oh, mais oui. Le moineau, en fait, c'est le corbeau. Voilà, c'est un corbeau. Ah, d'accord. Ok. The Crow. Le renard. Avant-dernier extrait. Oui. Oula, attention. Tout mignon. C'est un film d'horreur, ça? C'est ouais, non. Ouais, grave. C'est pas ce que. Non, c'est très vieux, c'était de 1979 pour le coup. Ça va laisser tomber que c'est pas mon époque. Mais il y a eu des revisites, enfin ça a été revisité en 2018. Donc. Il y a des enfants dégueulasses dedans? C'est un peu dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Putain. C'est une famille en fait. La famille Adams. Non. Mais non, mais c'est. C'était trop facile. Ils ont dit qu'il y avait des enfants moches dedans. Non, les enfants, c'est toujours dégueulasse dans les films d'horreur. Alors, je vous le donne, c'était Amityville. Ah oui. Et moi, j'allais dire Baskerville, mais non, pas du tout. Mais Amityville. Du coup... Tu vois, moi, je suis calé en Beetlejuice, choses comme ça, tu vois, les trucs des années 90. Mais alors, ça... Et pourtant, c'est un film culte à l'époque. Ah, puis je t'avoue, je regarde. Ouais. J'espère, Virginie, que tu connais peut-être le dernier, parce que ça joue entre toi et Jolan. Vous êtes à Execo, il vous en faut un pour départager, c'est le dernier. Très connu, 1999. Donc, du coup, on s'était sauté, parce qu'on entend vraiment rien chez nous. Non, mais c'est pareil chez nous, Jojo. Quelle année? 99. Ah. Là, par exemple, on n'entend rien, là. Je peux te dire ce que je veux, en fait. Je suis à fond. Vas-y, Buffy. On n'entend rien, hein. Ouais, pourquoi ça la met pas? Mais en fait, c'est parce que je crois que le niveau sonore est trop faible et ça coupe sur. Balance Buffy, hein. C'est pas Annabelle? Non, j'ai déjà dit oui. Alors, l'intrigue, c'est trois cinéastes qui vont dans une forêt tourner un reportage. Non. Qui vont tourner un reportage sur de la sorcellerie et en fait. Salem? Non. Légende urbaine? Non, c'est pas ça? Attends. C'est pas loin, mais c'est pas ça. La cabane? Ils sont morts et ils ont jamais été retrouvés en fait depuis. Il y a un jeu qui a été adapté de ce truc. C'est pas Bigfoot? Non. Et ça, c'est filmé en. C'est filmé en rec, comme tu dis aussi, c'est filmé de la même manière. Ouais. Il y a un jeu qui a été adapté. Bah, c'est pas un projet Warren, ça? C'est pas. Le projet Blair Witch. Ah, c'est Blair Witch. Ah, mais. Eh, hey, les jeux Blair Witch, c'est connu ça. Du coup, c'est Audrey qui a trouvé. Ouais, mais je on n'entend rien, c'est chiant. Ouais, c'est pour ça que j'ai perdu. J'ai fait péter le gain, pourtant. J'ai fait péter le gain. Mais bon. Non, mais après, ça sature si vous nous écoutez. Donc, autant que nous, on n'entende pas, c'est pas grave. Bon, bah, excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai mis un peu trop de level dans le jeu. Mais... Bah, grave. Mais c'est qu'on n'a pas de spécialistes. Non, on n'a pas de spécialistes de films d'horreur en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent des films d'horreur ici. Je suis sûr que nos auditeurs, ils ont tous répondu pendant qu'on devait être là. Mais vous êtes beaucoup trop. Non, mais en fait, j'aurais pas eu les réponses, j'aurais gagné évidemment. Non. Ça donne quoi au niveau des points? Perso. Mais bon, moi, Jolane. Moi, je m'attendais à des blind tests, genre Ghostbusters, Bah oui. Mais c'est pas de l'horreur, ça. C'est de la SF. Ghostbusters, c'est de la. On a pas dit horreur, on a dit Halloween. Ouais, ok. Mais sinon, au niveau des points. Alors, Jolane, tu as 3. Tu voulais savoir, tu as 3 points. Virginie, tu as 3 points. Audrey, tu as 2 points. Les autres, si j'ai pas cité, c'est que vous avez 0. Zéro. Il y a plusieurs égalités finalement. Hein. Oui, c'est serré. Hein. Mais c'est pas grave, on peut garder vos points pour après, hein, que pour les autres. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Peut-être on s'en fout en fait. Peut-être qu'on s'en fout. Non. Non, peut-être parce que si on gagne un truc à la fin, moi je veux bien. On peut Virginie. Moi je sais quelque chose. Je sais que Virginie Jolane, déjà on peut vous féliciter, c'est déjà pas mal. Bravo, je suis fier de vous. Voilà. Je sais que Théo, lui, il n'en a pas rien à foutre de ce qui va arriver. Je suis sûr, c'est du Hanafri. Mais alors, effectivement, il va y avoir du Hanafri dans 3 minutes avec In My Head. Je te jure. Parce que c'est dans ma tête. Mais avant cela, tu voulais compléter ce qu'a dit Linda avec les propositions de différents films. J'imagine que c'est des films, Linda, que tu as, que tu connais, enfin, films ou séries, hein, que tu connais ou que tu as déjà vu des extraits ou des choses comme ça qui ne sont pas arrivés par hasard. Ouais. Si, alors je le connais, mais je ne l'ai pas tout vu parce que moi aussi je suis une flippette comme Audrey. Donc, mais voilà. Est-ce que tu voudrais pas le faire après Hanafri quand même? Tu veux, alors d'accord, dans un instant. Un petit Hanafri, ça ferait pas de mal quand même. Non, mais ça fait jamais de mal un petit Hanafri, effectivement. Mais juste après Hanafri, on aura le top 10 des films d'horreur que vous pouvez regarder parce que ça sera les films conseillés par Teddy. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà. Voici donc Hanafri sur Indestar, bienvenue. Indestar, Indestar, là où tout commence. Là où tout commence. Ah, bon, on a eu un petit jingle en plus, n'est-ce pas, Teddy? Tout va bien, vous êtes sur Indestar, là où tout commence, et aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre, ce qui veut dire que c'est Halloween, ce qui veut dire qu'il y a des citrouilles, et ce qui veut dire que on fait cette émission à la maison, parce que on est tous confinés, mais on est heureux d'être là, n'est-ce pas, les copains? Yeah! Qu'est-ce qui s'est passé? On a... J'ai des fantômes à Indestar. Quelques enfants. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, Teddy nous a préparé un top 10 des films d'horreur à voir absolument. Ouais, clairement, mais je suis quand même pas très rassuré. Il y a des trucs qui bougent tout seuls à Indestar. Non, c'est pas des trucs qui bougent tout seuls. Il y a des trucs que tu oublies de faire et que du coup, que je rattrape au dernier moment. C'est plutôt ça. Non, mais c'est les fantômes en fait. Mais si, c'est les fantômes. Oui, c'est les fantômes d'Indestar parce que c'est Halloween. De la radio. Mais oui, c'est ça. C'est comme de l'opéra, mais c'est d'Indestar. Oui, c'est ça. Alors, dis-nous notre pays. Un top 10 de films. Alors, c'est pas que des films. C'est aussi des séries, ça peut être des animés, ça peut être. C'est toujours dans le domaine cinématographique, ça c'est sûr. Mm-hmm. Dans tous les cas, c'est pas des jeux. Le premier truc, le premier film que je vous dis de regarder, enfin, pourquoi pas le regarder, c'est La Mouche. Il est sorti en 1986. Il parle de mouche, clairement. Non, mais en vrai, lisez le livre est ultra flippant aussi. Oui. Ouais. Et c'est surtout avec des insectes. Donc si vous avez peur, si vous avez la phobie de genre d'insectes, que vous aimez pas les films d'horreur avec des insectes. Genre si vous avez peur des papillons, comme t'as dit. Bah non, parce que les papillons, c'est les papillons et les mouches, c'est les mouches. On fait la différence. J'ai dit bégon, comme l'antimoustique. Pourquoi pas. Pas mal. Mais dans tous les cas. C'est pas grave, moi j'ai compris Virginie, je trouve ça très drôle. Merci Audrey. L'affiche a l'air sympa. C'est ça que je veux dire. Le deuxième film, c'est The Witch. Il est sorti en 2015. Il a l'air sympa aussi. Si vous voulez, j'ai peut-être un petit synopsis. Ça veut dire The Witch en anglais. La sorcière. Oui. Sorcière, oui. Ouais, ça veut dire sorcière. Sorcière. Voulez-vous un petit synopsis? Oui, parce que je ne connais pas, moi. Quoi? J'ai pas entendu. On ne connaît pas. Vous ne connaissez pas. Alors voilà, petit synopsis. William et Catherine, un couple dévot, s'établit à la limite de la civilisation, essayant de cultiver un lopin de terre au milieu d'une étendue encore sauvage. Ils mènent une vie pieuse avec leurs 5 enfants. Je sais pas ce que c'est qu'une vie pieuse, mais bon, tant pis. Mais lorsque leur nouveau-né disparaît mystérieusement et que leurs récoltes sont soudainement gâchées, ils se dressent les uns contre les autres. Ah, c'est 7 à la maison, mais qui se passe mal, quoi. J'y pensais tout à l'heure, c'est à la maison. Tu parlais de famille, je me suis dit, si ça se trouve, c'est à la maison. C'est ça. Je n'ai pas de rapport avec l'horreur. Mais en version horreur, voilà. Après, okay. le prochain truc que je vous ai sélectionné, c'est un film, mais c'est un nanar. Marrant. Moi, j'aime bien ce genre de film d'horreur. Mais oui, alors, tu te marres parce que c'est tellement mal fait ou tellement. Ça serait pas Scary Movie ? Non. C'est un nanar que. Non, parce qu'il y a pire. Il faut les voir quand même, au moins le premier. Oui, quoi. Effectivement. Ah ouais, c'est un nanar qui parle de castor. Est-ce que ça vous parle ? De castor. Des castors zombies. Oh, junior. J'ai tout de suite envie de le voir. C'est zombie. Zombie ever. Mais moi aussi, si tu veux, Audrey, on y va ensemble. Ah oui, une soirée nanar. Zombie ever, sorti en 2014. Donc c'est un nanar. Pour le synopsis, c'est un petit groupe d'adolescents qui partent dans un week-end près d'une rivière et vont se faire attaquer par des castors zombies. Voilà. Oui, bien sûr. Zombies. Je peux vous dire que c'est castor. C'est non, un mais j'aimerais délire. Bien être dans la tête du mec qui conçoit le scénario, tu vois. Mais ouais, il y a bien tellement de trucs comme ça, tu te dis, mais où ils ont été chercher ça? Soit il prend de la cocaïne, soit il est alcoolique, le mec, je sais pas. Je sais pas. Soit il a un sens de l'humour très. Trop bon. Oui, clairement. Oui, enfin, très barré, ouais. Oui. La prochaine chose que je vous recommande à regarder si vous faites chier Halloween, c'est un animé qui s'appelle Parasite. Ah ouais, mais il y a le film aussi. Il y a alors oui non, attention. Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle Parasite, il n'a rien à voir avec le manga. Parce que le film est très bien. Par contre, cet animé Parasite, il y a aussi deux films qui sont sortis par rapport à l'animé. Donc en gros, si vous cherchez Parasite en film, vous allez tomber sur trois trucs possiblement enfin. Ah. Ouais, c'est chaud. L'animé, on est d'accord que Parasite, c'est un gars qui fait un virus pour pourrir le Noël de tout le monde et alors c'est pas exactement ça, c'est un virus qui est arrivé sur Terre et il l'a pas voulu. Et du coup oui, le virus il est infecté et ce virus il va se planter dans sa main et ça va créer un espèce de petit, on va dire une petite créature dans sa main qui se nourrit d'humains. Mmh. Voilà, finalement on a de la chance avec la situation actuelle. Ouais, c'est cool, hein. Dans nos mains, c'est cool. C'est ça. Et donc il y a plein d'humains qui vont se faire infecter comme ça. Ils vont manger ces humains-là vont manger d'autres humains. Voilà. Sauf que lui, okay. Il s'est fait infecter que la main. Donc lui, il a le contrôle de son parasite. Les autres, ils se sont fait bouffer la tête. C'est le parasite qui contrôle le corps. Mmh. Voilà. C'est limite alien, quoi. C'est bizarre. C'est limite alien, voilà. Mais franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est un de mes mangas préférés. Autant pour moi. Moi, je te parlais du manga Parasite amoureux, qui est donc une histoire très bien aussi, mais très glauque. Que si vous voulez vous faire, alors c'est pas de l'horreur, c'est de l'ambiance. Mais Parasite amoureux, c'est pas une histoire d'amour qui fait plaisir. Ah, c'est un truc plutôt glauque. Pourtant, il y avait quand même un virus dans ton truc. Ouais, non, il y a une histoire. En fait, le gars, c'est une histoire d'amour, mais qui va mal se passer, évidemment. Y a un gars qui fait un virus informatique pour bloquer les communications pour Noël, histoire de foutre le bœuf. Et en fait, il va être approché par un yakuza qui va lui dire, je vais te donner de la thune, et en échange, tu vas devenir ami avec une minette. Wow, et déjà, c'est hyper chelou comme proposition. Wow, c'est d'accord. C'est de la prostitution. Ouais, avec une nana, quoi. Non. Avec une gamine, avec une lycéenne. Ah, et donc lui il a besoin de thunes, donc il accepte. Et la nana, apparemment, c'est pas la première fois qu'on lui fait le coup. Et elle est trop chelou, genre elle a des comportements hyper bizarres et lui aussi il est hyper bizarre. Donc entre hyper bizarre, ils s'entendent. Et la suite va vous étonner. Ok. D'accord. Ça fait envie, franchement. Ça fait envie. Je te le prêterai si tu veux bien. Mais écoute, pour m'endormir le soir, effectivement. Je te le conseille non, pas. Le matin, on réveille plutôt que le soir au coucher. Teddy, t'en as encore d'autres propositions ? Ouais, et ça, ça fait pas envie. Là, c'est parti dans le un peu gore. D'accord, tu nous dis ça fait pas envie alors que tu nous présentes la liste des 10 meilleurs films à regarder, quoi. Non, mais c'est que beaucoup de gens peuvent être choqués par ce genre de truc, parce que là, c'est plus pour les enfants. Hein. Autant avant, c'était tranquille, mais là, non. The Human Centipede. Ah non, oui, c'est une horreur. C'est une horreur. T'as pas le droit de dire ça. C'est de l'horreur gore. C'est dégueulasse, effectivement. Oh. Mais oui, je ne dirai pas de synopsis. Non. Bon, bah ouais, mais ça nous dit rien du tout. Alors, c'est un scientifique qui fait des expériences sur les humains. Allez voir le site sur internet parce que c'est. Regardez-le avec vos enfants chez vous. Oui, au calme, avec une petite tisane. Je pense que si vous avez envie de pousser le truc un peu loin, et ben The Human Centipede, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est sympa. On est pas mal. Hein. Ouais, ouais. Après, dans les classiques. Dans moi, les classiques. Moi, franchement, ça m'a convaincu. Là, je file au vidéoclub, je loue les cassettes vidéo. Parfait. Je vais aller regarder quelques trucs à Virginie après cette émission. Je vais les regarder des petits Walt Disney, ça va me faire du bien. Moi, ce que j'ai trouvé étonnant dans ce qu'a dit Virginie, c'est vidéoclub. Ouais, moi aussi, c'était vachement. C'est choquant. Il y avait ça existe pas, ça. Mais bon, peu importe. Le prochain, okay. C'est un classique. On en a parlé pendant le jeu de Linda, c'est Shining. Ah. Oui, bien sûr. Oui, trop bien. Ouais. Il a l'air le livre aussi, très important. Même sa tête, il fait peur. Quoi. Oui, sa tête est très utilisée dans des mèmes, clairement. Quand il sort de son armoire, enfin pas d'une armoire, mais d'une porte, là, tu vois sa tête sortir entre deux murs. Oui, non, la porte, il est en train de défoncer la porte pour tuer sa femme et son fils. Oh. Classique. Dans les films d'horreur, pardon. Classique. Après, on revient dans un truc beaucoup plus doux, adapté pour les familles, justement. Donc, les enfants, là, ils peuvent regarder. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oh oui, il est mythique, celui-là. Ouais, évidemment. Il est trop bien. En même temps, c'est pour les enfants. C'est la famille, c'est du Tim Burton. C'est Tim Burton, c'est cool. Avec son amoureuse, avec Sally. Oui, les musiques sont incroyables. Oui. Le prochain truc que je vous ai pris, c'est aussi, on peut aussi le regarder en famille. Et là, c'est plus humoristique, même si ça se passe dans un univers quand même vachement sombre. C'est Zombieland. Ah, j'avais cru que c'était Zombieland. C'est même plus. Et c'est tu même sais qu'il y a un deuxième volet maintenant. Oui. Ouais. Il y a Zombieland 2. Ouais. Mais autant commencer par le premier. Et franchement, faut bien l'avouer, les premiers c'est souvent les meilleurs. Mais bien sûr, c'est trop bien. Non, mais le trio de tête, c'est Bienvenue à Zombieland, Shaun of the Dead et Les Dents de la Nuit. Ah, ça, là, c'est Cornetto, ça, mais oui. Les Dents de la Nuit. Ah, Les Dents de la Nuit, c'est original. C'est trop original. Je connais Les Dents de la Mer, mais Les Dents de la Nuit. La mer, évidemment. Attendez, il y a un autre nanar, il s'appelle Les Dents de la Plage. Les Dents de la Plage. C'est un nanar, ça aussi, que j'imagine, c'est comme Les Dents de la Nuit, ça doit être copié sur Dents de la Mer, enfin, entre guillemets, hein. Mais... Ah non, mais Les Dents de la Nuit, c'est un nanar français avec. Dedans, il y a. Attends, s'il est français, c'est déjà un nanar. Pardon. Quoi ? S'il est français, c'est déjà un nanar. Oh, allez, petit tacle. Petit tacle. Bon, allez, il m'en reste encore deux. On en a parlé tout à l'heure, c'est le film La Nonne. Ouais. La Nonne, ça a l'air vachement cool à voir. Moi, j'aime bien les nonnes qui font flipper. Ouais, mais c'est sympa. Enfin, oui, c'est gore, mais c'est sympa. Le synopsis, t'as dit. Ouais, quoi ? Tu veux que je te lise le synopsis ? Non, j'ai dit, j'aime bien quand tu dis, ouais, j'ai bien aimé, mais t'as bien aimé lire le synopsis, t'as pas vu le film. Ça dépend, il y en a, je les ai vus. Je vous lise un bout, c'est une force maléfique au nom de Valak, un démon qui prend l'apparence d'une nonne. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors moi, j'ai autre chose. J'ai carrément autre chose, moi. Moi, c'est une nonne qui s'est suicidée dans une abbaye roumaine. C'est ça ? Ah bah, d'accord. Mais, c'est ridicule. Genre, faut le voir comme un bon nanar parce que la nonne possédée arrive, on dirait qu'elle roule sur un overboard et elle met 45 secondes à le temps d'arriver dans la scène et t'es là, genre, c'est beaucoup trop long. Bon, bah. Personnellement, je l'ai pas vu, mais j'ai vu plein de blagues qu'ils faisaient en rapport avec le film. Je trouvais ça vachement drôle, donc ça me donne envie de le voir. Bien l'affiche, moi. Oui, aussi. C'est sympa, Lennon. Pourquoi ? Je sais pas. John Lennon. John Lennon. C'était pas drôle. Ça t'inspire quelque chose de bien, une nonne, à la base. Sauf que là, sur l'affiche, pas du tout, en fait. Moi, non, ça m'inspire jamais quelque chose de bien. Elle est un petit peu malade du Covid, la nonne, sur l'affiche. Et enfin, le dernier film que je vous conseille de regarder, ça serait le film Hellfest. Rien à voir avec le festival de musique. Festival. Hellfest. Là, tu vois, tu commences à m'intéresser, du coup, mais enfin, vas-y. Le Hellfest, c'est un train fantôme géant à ciel ouvert où que les gens, ils essayent de se faire peur entre eux. Sauf qu'à un moment, il va vraiment y avoir un tueur qui, lui, va pas seulement faire peur. Il va vraiment les tuer. Voilà. Ça commence comme ça et après, bonne chance. C'est un slasher. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme il y a un film, mais bon, c'est pas vraiment considéré comme de l'horreur. C'est le film, il s'appelle Paintball, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un film où ça se passe dans un pays où c'est illégal apparemment, et puis il y a un tueur qui joue au paintball. Non, mais il a pas de paintball, lui, dans ce. Dans... Ouais, voilà, c'est en, ça. En Roumanie, avec un. Ça se passe toujours en Roumanie, en fait. Avec une nonne. Tu mélanges, tu fais des crossovers, c'est génial. Et tout d'un coup, il y a Buffy qui apparaît. Évidemment. Buffy avec les vampires, c'est un. Et Lucifer. Et sûr. Et ils font tous une partie de paintball et c'est génial. C'est ça. Merci Teddy en tout cas de ce top 10 des films d'horreur à voir ou à revoir. Hein. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques années. Est-ce que ce sont des films pour les plus vieux qui ont bien vieilli ou pas? Parce que c'est le genre de films, les films d'horreur où on fait appel à des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux des années 70-80 qui aujourd'hui paraissent un peu désuets. Quoi, quand même. Eh ben, par exemple, La Mouche, je pense... En vrai, Shining, il vieillit jamais. Hein. Shining, ouais, ça va. Des années 80. Ça va. Et Shining, tu peux le regarder autant de fois que tu veux. Hein. Par contre, le premier film que j'ai présenté, La Mouche, vu que c'est une mouche et que le film est de 86, je pense que la créature doit être vraiment merdique. Maintenant, ça va être plus du nanar. Voilà. Mais sinon, les autres, ils sont assez récents au final. Oui, c'était génial, quoi. Incroyable. Bah les techniques de rendu, on ne pouvait pas faire appel à la 3D et tout ça, quoi, à l'époque. Et vous, il y a un film qui vous a fait flipper votre maman au point de l'arrêter, genre, c'est pas... Moi, pas au point de l'arrêter, mais j'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. C'est le premier Conjuring, film que j'ai regardé. Moi, c'est l'effet papillon que j'ai regardé, hein, qui m'a provoqué un malaise. C'est un documentaire animalier. Papillon, Un malaise, c'est-à-dire? Bah, genre, tu vois, t'es pas bien, quoi. Oui, non, pas malaise, je suis pas tombé dans les pommes. Non. Et genre j'étais pas bien, tu vois, après avoir fini de regarder ce film là, j'étais c'est qui m'a un peu zerbi ce film. Moi un vraiment qui m'a foutu les flippettes, c'est comment elle s'appelle, c'est avec la nana là qui tourne sa tête là, l'exorciste. Ah, l'exorciste. Ah, ouais. Ah, bien. Je trouve ça trop bien, moi. Il est tout est bien. Il est marrant à souhait. Marrant, oui, c'est pas, alors on n'a pas la même définition, mais marrant. Linda, t'en as un toi? Bah si, l'exorciste c'était assez violent quand même. Voilà, de suite, si Saw, moi ça m'a perturbé, Saw, c'est dégueulasse. Et toi, Audrey? Ah bah moi je suis une flippette sur 20. Le film qui me fait le plus flipper, Pokémon, que j'adore regarder, c'est Les Autres de Amenabar, The Others. Je connais pas. J'adore. Non, mais j'adore. Il est trop bien. Il est trop bien. J'adore Nicole. Il me fait flipper ma maman. Martin. Il est trop bien. J'adore la regarder. Et j'ai peur de ouf, la vieille me fait peur de ouf. J'adore l'actrice Nicole Kidman en plus. Nicole Kidman Forever in My Heart, vraiment. Ouais. Mais elle me fait flipper sa race. J'adore. Ma foi. Là, t'as cité la film. Martin, t'as un film qui te fait flipper, Martin? Moi, c'est plus le style Paranormal Activity. Ah oui. Qui te rend bien parano et qui te fait psychoter sur n'importe quoi. Ouais, il a bien donné la gerbe, ce film-là. Je l'ai regardé en plus dans le train. Alors déjà, j'ai le mal des transports, mais en plus, c'est filmé à la première personne avec la caméra qui se déplace, etc. C'est horrible. Au bout d'une demi-heure, arrêtez-moi le train. Bah oui, mais regarder un écran quand t'es dans le train ou dans un transport, quand t'as le mal des transports, ça accentue le mal des transports. Ah oui, non, mais on est d'accord, déjà, faut pas regarder un film. Après, normalement, dans le train, c'est un des moyens de transport les plus, safe. Ouais, je sais pas. Quand tu regardes un film comme ça où la caméra se déplace tout le temps, faut pas le faire. Voilà. Mais en même temps, j'ai pas besoin d'être dans le train, je suis chez moi, ça me rend malade, hein. C'est bon. Hein. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. C'est mignon. Mais en vrai, Paranormal Activity, ça avait été un truc absolument incroyable quand c'est sorti. Enfin, incroyable. Les premiers, ça avait été hyper novateur, dans le fait que ça soit la caméra à l'épaule et qu'ils courent comme des connards dans la forêt. C'est ça. Mais les derniers, par contre, Paranormal Activity, le 4, par exemple, c'est vraiment de la merde, clairement. Oui, au bout d'un moment, les séries comme il y en a pas un où il y a une mariée aussi, où ça se passe pendant un mariage. Avec caméra à l'épaule aussi, comme ça. Je sais plus. Dans les films d'horreur que je trouve sympas, entre guillemets, enfin qui m'ont bien fait marrer, après c'est toujours la même mécanique, mais il y a eu des suites, c'est Destination Finale. Ah, j'adore aussi. Ah, oui, c'est pas de l'horreur, mais c'est bien. Oui, c'est du dégueu, quoi. Oui. C'est l'horreur. Non, il n'y a pas d'histoire, il y a des scénarios, il y a des mini-scénarios. Après, c'est à chaque fois, c'est la même mécanique, hein, mais on la connaît, mais c'est toujours marrant parce que t'es là en disant qu'est-ce qui va faire que la nana va mourir, quoi, tu vois. T'as peur parce que t'attends qu'il arrive un truc, en fait. Ah, bah, t'es sûr que. Les morts, elles sont tellement improbables, c'est n'importe quoi. Oui, bah oui. Et parce que tu t'attends, tu vois des trucs, tu dis, ah, elle va se prendre le clou et machin. Non, c'est pas ça. Ah bah, il y a ça qui va... Ah non, c'est pas ça. Et là, poum, il y a le truc qui arrive et paf, la meuf, elle a l'épée plantée dans le crâne. Tu dis, ah bah oui, c'était ça, tiens. Ouais, ou alors ils se séparent, tu sais, ils sont dans le film d'horreur. On va se séparer. Mais non, surtout pas, ne vous séparez pas. Ah oui, non, mais ça, c'est une mimique de tous les films d'horreur. C'est excellent, bah oui. Les gens se séparent. Et en principe, il y en a qui meurent avant d'autres. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes. Hein. Bref, bah merci Teddy en tout cas de ce petit top 10. Est-ce qu'on enchaîne avec une petite histoire flippante de Martin, à moins que Léa soit prête à nous raconter des légendes urbaines? Linda, est-ce que tu nous entends, Léa? Léa, es-tu là? Léa, je vous entends. Oui, on vient d'invoquer Léa. On dit bonjour à Léa qui bonjour. Prend le micro de Linda. Bah, ils ont qu'un micro à la maison. La famille est pauvre. Bah, elle avait une salle de jeu, je te rappelle. Sois gentil, toi. Bon, Léa, tu avais des légendes urbaines qui font flipper notre race, c'est ça? C'est ça. Alors vas-y, je t'en prie. Alors on va commencer par la légende urbaine de Acamanto, autrement dit la cape rouge. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que... Pas du alors, tout. C'est Zorro. Pas du tout pour ma part. Hein. C'est Zorro avec une cape. Non, pardon. Et ben, ça serait un esprit qui entrait les toilettes. Généralement, la dernière cabine des toilettes. Comme une génarde. Ouais. Mais en version légende japonaise en fait. D'accord. Pourquoi la cape rouge? Et alors, du coup, quand la victime est aux toilettes, il y a une voix mystérieuse qui lui demande si elle veut du papier rouge ou du papier bleu. Ouais, mais non, ça c'est les toilettes japonaises, ça, c'est parce qu'ils sont trop évolués. Non, donc c'est de Matrix, non? Ouais, ça me rappelle Matrix, moi, clairement. Le choix, est dur. C'est la qualité, le papier bleu, la pilule rouge. Ouais, clairement, cette saison. Cette saison, le papier toilette, vas-y, balance. Excusez-nous, Léa. Vas-y, continue, Léa, excuse. Et du coup, alors, si la victime dit du papier rouge, la cape rouge d'actu d'une matière assez violente laisse la victime couverte de son enterrement. On a perdu Léa, je crois. Ouais. Vas-y, rapproche-toi ton micro un petit peu, Léa. Vous m'entendez? Ah! Et du coup, ça fait quoi quand on prend la rouge? Quand on prend la rouge, eh ben, la cape rouge la tue d'une manière assez violente, laissant sa victime couverte de sang. Ah, d'accord, donc ne m'achetez pas du papier toilette rouge. Hein. Et le bleu, c'est bien du coup? Tu survis? Et le bleu, c'est si on choisit le bleu, la victime est étranglée, peau devenant toute bleue. Attends, d'accord. T'es en train de me dire... N'achetez pas du papier toilette. Pour survivre, il faut pas se torcher. Bah non, tu torches avec ta main, Denis. C'est ça, voilà. Ouais. On l'a dit dans Vita Conto. À ton avis, pourquoi ils ont mis du Karcher dans les toilettes maintenant? Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que les chats, ils ont des petits. Alors, vas-y, Léa, continue. Écoute pas leurs bêtises. Si la victime demande un papier d'une autre couleur, il y a des mains qui apparaissent venant des toilettes et qui entraînent la victime dans l'enfer. Ah donc peu importe, tu meurs en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est un non-choix. On choisit ta mort, mais t'as pas le choix autre que mourir. Si tu prends pas de PQ... Il y a une façon d'échapper à Camanto. Ah alors. C'est de dire, je n'ai pas besoin de papier. Bah voilà, tu prends pas de PQ, t'es safe. C'est des risques pour ton pantalon, quoi. Ouais, mais... Vous allez choisir, Martin... Tu sauves ta peau. Choisir, je préfère choisir un des papiers déjà plutôt que d'être aspiré dans les toilettes. Oui. Pas faux. Et après, peu importe. Peu importe. Le bleu, pourquoi pas, j'aime bien le bleu. Et okay. Ben voilà. Ça, c'était la légende d'Akamanto. Et ben là, je vais vous faire la légende de Kushizake Ona. Encore une japonaise. Ça a l'air compliqué. Je l'ai pas très bien entendu, t'as dit quoi? Faut pas jouer à ce jeu là. Autrement dit, la femme à la bouche fendue. Ah, ça je connais. Non, c'est pas sexuel, Jolan. Mais non, mais. Teddy. Ouais, mais Jolan il a fait un E bizarre. D'accord. Bon, alors. On t'écoute. La femme à la bouche fendue, c'est une magnifique jeune femme. Marié qui passait son temps à demander aux enfants de son village « Est-ce que je suis belle ?» Et à chaque fois, ils disaient « Oui ». Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors, donc du coup, elle a pris conscience qu'elle était belle et qu'elle était désirée. Donc du coup, elle s'est mise à tromper son mari. Ce qui n'était pas une bonne idée parce que un jour, son mari, ben, il a vu ce qui se faisait tromper. Mmh. Et du coup, pour se venger, il tua son mari, enfin le mari de la femme. Ah oui. L'amant de la femme, c'est ça. Et il coupa à la femme la bouche jusqu'aux oreilles en disant « Qui te trouvera belle maintenant ?» Le Joker. Ah oui. Pas très gentil, hein. Alors, après, comment elle apparaît ? Elle apparaît de nuit devant des enfants marchant seuls et on peut la voir portant un masque chirurgical. Ah bah, c'est... Ah bah voilà. Elle a le Covid. On est dans le thème. Pour le Covid. Elle est déjà Covid en ce moment. Ah mais en fait elle me suit en ce moment, je crois. Il y en a partout. J'arrête pas de la voir, je vous jure. C'est... Normalement elle apparaît devant des enfants, attention. Mais c'est un grand enfant, Martin. Allez, vive. Alors, elle demanderait à l'enfant, suis-je belle ? Si l'enfant dit non, elle la tue avec une paire de ciseaux. Voilà. Évidemment. Avec des ciseaux, tu tues un enfant. Ben la oui, cuillère, évidemment. Je trouve ça plus barbare, la cuillère. Si l'enfant dit oui, la femme enlève son masque, révélant sa bouche, fendue d'une oreille à l'autre, et elle demande, même comme cela, pas que l'enfant puisse dire non, elle... On a perdu Léa. Il va mourir, il va mourir. De ah oui, il va mourir, ouais, c'est pareil, c'est un bon choix. Quoi qu'il arrive, il meurt. C'est ça. Sauf s'il fait un petit bisou. S'il dit non, elle le coupera en deux. S'il dit oui, elle lui fendra la bouche afin que l'enfant lui ressemble. Ah bah, ah, oui. Ah, bah il meurt pas alors. Elle est charmante, c'est mieux aussi. Elle est rencontrée du coup. Et il y a une seule façon aussi d'échapper à la femme à la bouche tendue, c'est de répondre vous êtes ordinaire. Et ça nous permettra de s'enfuir pendant qu'elle réfléchit. Mais attention, ah parce qu'elle est teubée en plus, très bien. C'est juste qu'elle comprend pas pourquoi on lui dit vous êtes ordinaire. Bah ouais, c'est un peu une insulte. 30 secondes et pendant ce temps-là, tu peux t'enfuir, tu vois. Oui, elle réalise que ah merde, il est plus là. Ouais. Et donc voilà, elle perd sa victime comme ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup Léa pour cette légende du Orben japonaise même. Orben japonaise. Bah de rien, ça fait plaisir. Martin, tu as une histoire flippante à nous raconter avant qu'on écoute Akaïm Alizadeh. Oui, j'ai une petite histoire flippante. Du coup, c'est l'histoire d'un jeune qui continue ses études, donc il part en région parisienne et prend un petit appart pour continuer ses études d'art, disons. Et dès le premier jour, dès le premier soir, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte et quand il ouvre, il y a une dame qui lui demande si elle peut dormir chez lui parce que son mari la frappe. Et du coup, bah, le jeune étudiant, bien sûr, accepte de l'héberger pour la nuit. De quoi ? Sympa le voisin. Elle est couverte en fait. Non, même pas. Et enfin bref, du coup, il lui laisse le canapé, un petit duvet et tout. Et le lendemain, il se réveille et la dame est partie. Elle a replié le canapé et le duvet et voilà. Et sauf qu'elle revient le lendemain soir. Mmh. Pareil. Et t'appelles les flics à un moment. C'est ça. Mais non, elle veut quand même. C'est parce qu'elle veut le dernier Kinder Bono, c'est pour ça qu'elle vient. C'est ça, elle veut pas. C'est comme ma voisine, j'aurais dû appeler les flics au bout d'un moment, moi, pareil. Hein. Parce qu'elle est venue dans ton canapé. Non, on venait toquer à ma porte. Vas-y, excuse-nous, Martin. Oui, et du coup, un jour, notre jeune étudiant se décide d'aller frapper chez le voisin pour lui mettre ce qu'il mérite. Et quand il lui explique la situation au voisin, le voisin lui répond que bah non, sa femme, elle est morte il y a des années. Mm-hmm. Et quand il regarde les photos, c'est bien cette femme-là. Et du coup, le mec comprend que la dame est déjà morte depuis quelques années, en fait. Ouais, j'avais vu cette histoire, c'est vrai que c'est flippant. C'est chaud, putain. Ouais. Mais vous y croyez, vous, au fantôme ? Oui, celui du fantôme à la qui est capteur du, moi je. Je le connais pas, ce fantôme-là ! Tu la connaissais pas ? Non ? Vas-y, raconte, Virginie. Non, je. Si, on la veut, maintenant. Vraiment, vous la voulez ? Bah, oui. Bien sûr ! Oui. On a... Évidemment que je veux la qui est capteur du. Ta connerie, t'as su. J'en chiale là, tu vois. Non, mais Martin, vas-y, je t'en prie, finis. Ah, mais c'est fini, c'est dommage. Quoi, on veut tous la caquette tordue là. C'était quoi le fantôme ? La blague du fantôme à la caquette tordue, Toto. Ah, c'est une blague ? Vas-y, Virginie, assume ta connerie. Bah, c'est un Belge, un Français, un Allemand qui sont dans une chambre. Et puis, dans la nuit, ils entendent « Ouh, je suis le fantôme à la quéquette tordue ». Alors du coup, l'Allemand, il a les flippettes, tu vois. Et puis, du coup, bah, il se sauve, tu vois. Deuxième nuit, donc il n'y a plus que l'Anglais et le Français dans la chambre. « Ouh, je suis le fantôme à la quéquette tordue ». L'Anglais, il a les ch'touilles, il s'en va, bref, hein, il se sauve. Et troisième nuit, donc je vous la fais courte. Hein. Mmh. Et là, c'est le Français, il entend ouh, je suis le fantôme à la caquette tordue. Et là, le Français, il dit, tu veux que je te la redresse? D'accord. Voilà. La blague de Toto de Virginie. Ouais. Je suis content que pas que moi qui fasse de l'humour. J'ai chaud, je vais faire une pause. C'est un Halloween très heureux aujourd'hui. Justement, on va se préparer au blind test où j'ai mélangé des titres qui n'ont absolument rien à voir ensemble pour faire une sorte de purée, mais genre purée mousseline, tu vois, pas la purée haut de gamme de chez grand-mère, la purée en sachet. Et j'en ai mélangé, alors je sais plus combien il y a d'extraits, Teddy, tu vas nous le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant, il y a un DJ de talent qui, lui, a mélangé deux titres ensemble qui donne quelque chose de fort appréciable. Ça s'appelle Woman in the Ghetto. C'est un remix Malena Show le nom du DJ, c'est Akaim Alizadeh. Bon, il aurait pu trouver un nom plus simple, mais ce qui est sûr, c'est sur Indestar maintenant. Indestar, Indestar, Indestar. Là où tout commence, là où tout commence. On est en direct ce soir pour une émission Halloween, chacun chez nous, à part Teddy qui est en studio et qui gère un petit peu le flux de tous ces nombreux animateurs que nous sommes. Et on vous propose donc une émission, bien sûr, sur le thème du soir, sur le thème d'Halloween, avec là, bon, on sort un petit peu légèrement du thème, mais je me dis, si on mélange des musiques qui n'ont rien à voir, et vous allez voir que dans le choix de mes musiques, il y a des choses qui n'auraient absolument pas dû être ensemble, on arrive à quelque chose de vachement brouillon et surtout de trucs qui limite font mal aux oreilles, donc mal aux oreilles, peur, Halloween, on est dans le thème. Wow, I said very quickly jump to the conclusion. Voilà, exactement. C'est une histoire de faire un petit truc marrant et qu'on joue ensemble, et vous pouvez jouer à la maison, vous prenez une feuille, un stylo, et puis comme ça vous comptez les points, vous allez voir si vous êtes meilleur ou moins bon que nous, en sachant que vous avez un petit avantage quand même, c'est que vous avez un son de bien meilleure qualité. Voilà, faut le dire. Pas négligeable. C'est pas négligeable. Teddy, non, moi je vais compter les points. Teddy, comme ça tu vas pouvoir jouer. Ah merde, tu t'en vas faire une ardoise. Mais oui, d'accord. Certes. Donc, il y a Teddy qui joue. Yeah. Qui joue, pardon. Alors attends, je mets. Hop. Mais moi c'est bien, j'ai tout d'affiché. Linda, sur... tu joues. Oui. Hop. Il y a Jolan. Oui. Il y a Audrey. Yep, yep. Et il y a Virginie. Yes. Et il y a. Tac, Martin. Oui. Oui. Voilà. Ok. Combien d'extraits, Teddy ? 11. 7, 9, 10, 11. 11 extraits à découvrir. Ouais. Allez, pour gagner, alors, j'annonce, pour gagner un point, il me faut les deux artistes. C'est-à-dire, wow. Si vous sortez. C'est Anafri et je sais pas quoi. Tu nous as pas fait ça quand même. Non, il y a peut-être pas, je sais pas. Dans deux points, si on a les deux. Voilà, il faut non, il faut un point, il faut les deux artistes pour gagner. Sinon, c'est vous donnez un point à l'autre qui peut utiliser votre réponse. Mais si on dit un artiste ou le titre, ça marche ou pas? Tu peux dire le titre, mais il faut les deux artistes ou les deux titres. Okay, non, un artiste et un titre. Oula, ça va être compliqué. Non, ce ne sont pas des artistes Indestar. D'accord. Quoique il peut y avoir, mais okay. La majorité, c'est vraiment des titres connus, okay. Mais par contre, on a mélangé les deux. Hein. Est-ce que c'est plus loin que les années 50? Ah, ça peut. On est dans le monde. Est-ce que c'est plus loin que les années 2000? Non, mais ça peut. C'est Théo qui a fait le blind test. Tu veux que ça soit quand? Bah, forcément avant 2000. Bon, allez, attention, premier extrait, c'est parti. Avril Lavigne et Didier Super. Oui. Allez, bam. Ensemble, deux. Allez. Avril Lavigne et quoi? Et Didier Super. Génial, c'est super. Donc Didier Super, on va. Et Avril Lavigne. Et Avril Lavigne, c'était Skater Boy. Oui. D'accord. Évidemment. Bon. Attention, deuxième extrait. C'est parti. que je ne faisais que des chansons noires. Qui est-ce qu'elle dit? Alors j'ai entendu Diams de Linda. Ouais. Et bah chacune un point. Bon, les 0,5 chacun. Mais non, ouais. Chacune un point, patate. Oh, hey, vous êtes. Eh oh, qui fait les points, hein? Bah, ça dit un point par artiste, on en a chacune. Non, j'avais dit un point pour les deux. Oh, bon, allez, 0,5, ça va. Bah oui, 0,5, parce que sinon, c'est pas équitable pour le son que t'as trouvé 0,5, avant. 0,5, c'est bon, c'est bon. Ah oui? Ok. Bon, pour l'instant, 1,5 pour Audrey, 0,5 pour Linda. On y va pour le troisième. Ed Sheeran. Et la danse des canards. Écoutez. Ed Sheeran et la danse des canards. Non, c'est pas la danse des canards. Et la chenille. Ah oui, un avantage, c'est parce que lui, là, le titre en bonne qualité, parce que la chenille, nous, on n'entendait pas le début, on n'entendait qu'un beat sur le... J'entendais que dalle non plus. Enfin, la chenille, j'ai entendu un moment la chenille, j'ai dit la chenille. Oui, bah c'est bien joué. Ça fait un point pour Teddy. Ok, donc oui, Ed Sheeran mélangé avec la chenille, oui, bah. Ouais. Si vous voulez, j'augmente un peu le gain. Hein. Ah, j'ai dit que j'avais mélangé des choses qui n'avaient rien à voir. C'est horrible hein, pour moi, je trouve. Hein. C'est bien horrible. Hein. Ouais. Allez, quatrième. C'est fait pour. Quatrième titre. Khaled. Oui. Oh, mais l'autre côté de moi. Despacito. Ah, mais oui! Luis Fonsi. Mais du coup, ça fait encore des 0,5 là! Oui, bah t'as qu'à faire un truc plus audible, c'est tout! Mais c'est parce que bah, mais le début de Despacito, Teddy l'entendait, mais nous on avait du mal. Hein. C'est tout doux. Donc Teddy, ça fait 0,5 et qui a dit Khaled au début? Enfin, Virginie. Moi. C'est Virginie, ok. En même temps, je suis mauvais en musique, donc j'ai déjà un malus. Hein. Oui. Clairement. Bon allez, donc, cinquième. Effectivement, Luis Fonsi avec Despacito et Khaled avec Raisha. Raisha. Attention, le prochain, il a beaucoup plus d'intérêt. Et vous allez voir que là, je l'ai travaillé un petit peu pour que ça soit marrant. Et c'est parti. Quand tu veux. Bah, je l'ai lancé. Dua Lipa et Blue Buda. Non, c'est pas Dua Lipa. Non. C'est pas Mia Rouge, non? Gifla. Gifla. Non. Ah non, Félix Jaehn. Félix Jaehn, non? Non. Oh putain, c'est une artiste in the star ça. Bien sûr. Alors, bon, je veux l'artiste. Alors, on a quoi comme l'artiste? On est sur le bout de la langue. Un blue, c'est pas les Backstreet Boys? Non. Ah, mais non, c'est Eiffel 65, tu peux. Allez, Eiffel 65 pour Audrey. Et c'était la quoi, chanteuse, du coup? Vous l'avez ou pas? One Day, là, c'est qui chante ça? En plus, je la connais, Somsei, attends. C'est oui, Somsei le titre, et c'est Néa. La... Ah, ouais, oui. Putain, voilà, c'est okay, ça. Ok, je sais pas. Et là, j'avais. Non, on l'a pas vraiment entendu, mais j'avais fait exprès d'accorder les deux au même tempo. Parce que c'est exactement. Enfin, Néa, c'est la reprise d'Eiffel 65. Hein, donc, ça allait parfaitement ensemble. Et on la passe sur Wine the Star, d'ailleurs. Bah, on passe une version remix, nous, de Néa. De Eiffel 65. De Eiffel 65, oui. Quelle horreur. Prochain titre, sixième. C'est parti. La vallée de Dana. Donc là je donnerais bien un point à Audrey parce qu'elle avait les deux là. Hein. J'avais aussi la vallée de Dana. On l'a tous eu. Donne un point à tout le monde là, c'est bon. Bah, j'ai un demi-point pour Virginie. Bah, du coup, Audrey, je te donne un demi-point pour. Allez, vas-y. Ouais, j'ai dit le titre, moi, en haut. Mais oui, elle a tout dit. Mais attendez d'avoir les deux, parce que comme ça, vous gagnez. Vous gagnez un demi-point. Mais moi, je suis pas parce que vous attendez pas assez. Attendez quelques secondes, histoire d'avoir les deux en tête pour le dire. Moi, je fais pas la bagarre, je distribue les points, je m'en fous. Attention, titre suivant. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Là c'est l'original. Ouais, t'es sûr que t'as fait un mix? Bah je veux pas sûr, là. Parce que c'est là c'est l'original. Là, c'est l'original, ouais. Ça c'est mes années jeunes, ça où j'allais en boîte, c'est mon époque. Ouais, je suis désolé, ouais, mais je crois qu'il n'y a pas de mix. Il n'y a pas de mix. Ouais. Mais c'est bien, il y a un mix, t'es dit, on l'a fait bien. Il y a que une musique là. Pour moi. Alors, j'ai dû me tromper de version dans le mix final. En fait, c'était Benny Benassi avec Satisfaction et j'avais voulu le mixer avec les Rolling Stones, le titre Satisfaction. Ah ouais, Ah ouais, non, il y en a pas. Mais il y avait rien là. Il y a pas de Rolling Stones. Mais qui a pas été abouti. Bon. Très bon démarrage. Très bon démarrage, ouais. 8ème pour le titre suivant, qui c'est What the Fuck. Hein. Ah, Taylor Swift. Au clair de la lune et Taylor Swift. C'est pas au clair de la lune. Hein? Piano dégueulasse. Mais si, c'est pas vous n'avez pas l'autre? Non, je crois qu'on l'aura pas l'autre. C'était quoi? La mère Michel. Ah, ok, d'accord. Mais t'as trouvé ça où, putain? La mère Michel va forcément bien avec Taylor Swift, ouais, évidemment. C'est logique. Tombe tout le sens. Attention, dans les trois derniers, celui-là est un peu plus cohérent dans on va dire, dans le style. Ah bah attends, il charge. Cool. J'ai hyper peur. Il y a du blanc avant. Regarde, là, on est en train de meubler. On meuble. Meuble Ikea. D'accord. Meuble. Non, mais Ikea. Mais il y a combien de meubles? C'est quoi dans les mixages? Il ne marche pas, celui-là. Ce n'est pas possible. Comment ça, il ne fonctionne pas? Il ne fonctionne pas du tout. Il se lance ou pas? Bien sûr. J'ai le chrono, mais je n'ai pas de musique. D'accord. Ah, donc il fallait deviner Tragédie et Camaro, donc. Ah ouais, ouais, c'est. Franchement, je l'avais sur le bout de la langue. Est-ce que tu me sens? Ouais, c'était ça. Je suis un serial killer et je vais te buter. J'en étais sûr, non, j'étais mec, pas loin. Le mec, il reste quand même devant sa porte jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui. Bon. Allez, avant-dernière. Bah, tant pis pour celui-là, je suis désolé. On arrive dans les deux derniers. C'est parti. Mario. C'est Mario et... Ah, c'est dur pour lui, hein. C'est dur. Toto YouTube. C'est un peu le son, t'es dit. Oui, Toto YouTube. Baisse le son. Donc c'était qui? Il faut que je baisse le son. C'est pas Gin Tonic? Si, c'est ça. C'est Véronique et Davina de Gin Tonic, oui, avec Super Mario. Donne 0 son pour Teddy. Mais non, donne-lui tout, il a tout trouvé. J'ai juste trouvé Toto YouTube et Marthe. Mais Toto YouTube, c'est pas un titre. Ouais, mais il triche, il a le son potable, lui. Ouais, mais je connais pas les musiques, à part Mario, par contre. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Donne 0,5 à nous deux, allez. Voilà. Yolan, par exemple, ou Martin, bah vous avez 0, hein. Ouais, mais moi j'entendais rien du tout chez moi. Non, mais c'est pareil. Je suis en train de faire péter le gars. Non, mais c'était pas du tout audible, j'entendais rien. Le mauvais chasseur accuse l'arc. C'est ça, le chasseur. Attends, j'ai eu 3 points tout à l'heure pour le montage de. Et bah justement. Attention, dernier extrait, c'est parti. Il y a un cadeau là-dedans. Oula. Il y a un cadeau. Oui. Panafri. Oui, il y a un Afri, oui. Mais comment il a deviné, lui? J'ai pas besoin de deviner, c'était tout doux, c'est... Ah, il y a un cadeau dedans. C'est un cadeau. Il y a une petite voix bizarre. C'est pas placé bien. Non, c'est pas placé bien. Non. Tu veux faire Kyo? Le rythme là. Ah, le rythme? Non. Bah alors là, je suis là. Bien. C'est vieux ça. Ah ouais, donc. Je ne sais pas de mémoire. Je l'ai dans le téléphone. Les Hot Chili Peppers. C'est White Town. C'est quoi? Avec Woman. Ouais. White Town et Anna Free. Et j'ai plus le titre d'Anna Free là parce que je l'entends plus. Ah, tu l'entends plus? Mais j'ai pas entendu Anna Free. Hein. Vas-y, attends, je te remonte un peu. Ça y est. Ah oui, là on entend. Ah oui. Ah bah attendez, je vous monte à fond alors. Non mais là on l'entend, mais on l'a entendu au départ. Oui, on l'a entendu au début. Ouais. Sur un autre. Bon, alors, du coup, bah, je te sens moqueuse. Ah non, non, pas du tout, je m'en fous. D'accord. Alors, on fait le total des points. Nous avons. Bah, compte pas sur moi. Virginie, un point. Attends, moi je compte. Martin et Joanne, zéro, d'accord? Ouais, ouais, déjà, c'est mort pour nous. Linda, tu es égalité avec Virginie, un point aussi. Teddy, qui avait un avantage certain quand même, tu as 3 points. Oh, ouais, bon jeu. Bien joué. Et enfin, dès que mon chat aura fini de monter sur mon bureau, je. Dédicace au chat Théo. Attends, 1, 2, 3. Pour petite 3, info, il s'appelle Raoul. 3,5 pour Audrey. Ok. Donc, Audrey, première place, suivi de Teddy, suivi par la troisième place du podium, Linda et Virginie. Bravo. Bravo. Bravo, bravo les filles. Bravo c'était les filles. C'était vachement dur en vrai. GG. Hein. De ouf. Moi, c'est vrai qu'on surtout, dit bravo les filles. Quand, surtout quand Théo fait pas les remixes qu'il est censé faire. J'avoue, ok, il y avait un petit problème sur deux titres. Mais non, mais c'était dur dans le sens où nous, contrairement à vous qui écoutez la radio, sur Discord, on n'avait pas tous les sons et des fois, quand les sons sont pas, horrible. On a qu'un son sur deux, quoi. De quoi tu dis, Jolan? Il n'y a pas de la mauvaise foi, c'est juste que ça saccadait de ouf. Hein. Oui, ça saccadait de ouf. Jolan, c'est que ça saccadait pour tout le monde. Et non, pas moi. On était tous à égalité, sauf pour Teddy. Non, pas moi. Moi, ça allait. Teddy, il a la meilleure place, en vrai. Tronche de cake, là. Faut bien un privilège. Hein. D'ailleurs, est-ce que je peux faire une petite dédicace vite fait ou pas? Allez, une casse dédiée, vas-y, casse dédiée à toute la famille et à la troisième. J'ai plein de potes qui sont en train d'écouter l'émission, donc je leur fais des bisous. Cool. Voilà. Bah, merci les potes de Jolan. Bisous les copains. Bisous à tous les potos. Non, arrête, calme-toi Théo, tout de suite. On a fait un blind test musique et dans un instant on va voir l'histoire d'une musique et pas n'importe laquelle parce que Virginie, j'ai aussi le vinyle à la maison sur ma table de chevet. Un album, c'est l'album le plus vendu de tous les temps, l'album Thriller de Michael Jackson et tu vas nous parler de l'histoire de Thriller de Michael Jackson, Virginie. Yes. Ce sera juste après Nathalie qui reprend The Weeknd. Voici In Your Eyes sur Indestar. On vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver et cette émission sera disponible en podcast très bientôt. Indestar, là où tout commence. Là où tout commence. Bonne soirée sur Indestar. Vous êtes de nombreux à nous écouter ce soir et en même temps, bah pourquoi pas parce que vous avez que ça à faire, n'est-ce pas, puisqu'on est confiné, puisque vous ne pouvez pas aller frapper aux portes ce soir pour Halloween pour aller commander des bonbons, parce que vous ne pouvez pas faire la fête entre amis et que malheureusement on peut simplement s'habiller à la maison comme l'ont fait les filles. Hein, Audrey, vous êtes magnifiques, quoi. C'était Cindy, Cindy et Jade qui se sont maquillées et habillées. Ah oui, mais parce que avant la radio, j'étais en visio soirée, c'est pour ça. Attention, ça c'est une nouvelle génération. On a fait un groupe qui s'appelle le Corona Vista Social Club. Sérieusement. Ouais. Oh la vache. Pour danser et tout. Non, mais oui. Boîte de nuit à la maison, quoi. C'est ça, il faut maintenir le lien. Et... On a fait un playlist et tout, pour lui. C'est cool. Non, mais c'est pour ça qu'on est là avec vous ce soir. Émission spéciale Halloween. On joue ensemble, on s'amuse et on se cultive avec notamment une des chansons qui a fait naître le clip musicale comme on l'entend aujourd'hui, ouais. Avec une version exceptionnelle. Qui a marqué toute une génération. Qui a marqué oui. toute une génération, notamment avec la plante. Et qui correspond bien avec la période d'Halloween, c'est Thriller de Michael Jackson. Donc l'album et le titre Thriller. Et Virginie, tu nous racontes quelque chose. Ah bah t'es là. Là. Bon, dis donc. Et c'est toi qui l'as, Virginie? Eh attends, mais moi j'ai la platine branchée à côté de moi. C'est mon premier 33 tours. Attendez, que j'explique aux gens. Hack la radio quoi. Je suis censé être derrière les boutons, je suis là, je regarde mes écrans et là j'entends une musique qui démarre. Bordel de merde, mais c'est quoi ce bordel? Et tu me mets Thriller quoi. Regarde-moi la rebelle de la Virginie qui a la radio de chez elle s'il te plaît. Tu m'as dit que tu l'avais pas. Non, c'est vrai. T'as eu tout à fait raison. Radio Pirate, c'est Virginie. Soit DJ de la forêt, je vous présente Virginie. DJ Vivi. Alors, c'est quand même l'album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes qu'on est estimé à plus de 66 millions d'exemplaires dans le monde. Ouais. Donc, un record de dingue, avec des collabs de dingue. On retrouve sur cet album notamment une célèbre collaboration avec Eddie Van Halen, qui a disparu il y a peu, avec son célèbre solo de guitare sur le titre Beat It, la chanson qui tout de suite résonne dans nos têtes, non? Oh, mais elle résonne. Ah. Il y a beaucoup de chansons sur cet album, que ce soit Thriller, Billie Jean, Beat It, etc. Ce sont des titres qui vraiment résonnent dans nos têtes, et même 30 ans après, quoi. Et c'est resté l'album le plus vendu durant 27 ans, entre 82 et 2009. C'était donc le top vente des albums, qui était détrôné par le groupe californien Eagles, avec le célèbre slow et titre mythique Hotel California. Oui, forcément. C'est une autre histoire. Hotel California, et ça, pourquoi c'était détrôné, tu me dis, en 2009, ça veut dire que le titre, finalement, l'addition des ventes du titre de Hotel California, il a dépassé en fait. Wow. C'est quoi Hotel California de Michael Jackson. D'accord. Sérieux, t'as dit Hotel California. Ouais. Sors de ce studio, s'il te plaît. Welcome to the Hotel California. Aïe, aïe, aïe. Top, Théo, c'est bon, l'extrait suffisant. J'ai compris. Pas mal, hein. J'ai compris. On a pas les droits. Tu peux te virer, Teddy. Ouais, mais attends, si tu me vires, Jolan, il n'y a plus personne pour la radio, donc c'est fini après. Ah, merde. Bon, alors, tu peux pas virer le président. Enfin, le sous-président, attention. Oh, j'ai une promo. Thriller, c'est l'album qui sort des studios en 82. Et qui sera diffusé sur la célèbre chaîne américaine MTV, oui, pour la première fois en décembre 83, avec un clip qui a révolutionné le concept du clip, notamment Thriller. Ah, alors ce clip, moi j'ai les jetons depuis que je suis gamine, j'ai plus peur de ce clip, c'est horrible, je sais pas pourquoi. Moi aussi. Mais si, la tête qu'il a, c'est horrible. C'est tellement moche que c'est trop bien réalisé en vrai. Non, c'est tellement moche, tu rigoles ou quoi? C'est horrible. Mais il est exceptionnel le clip. Déjà, il dure quoi, 6 minutes? Non, mais il est magnifique le clip, mais j'avais peur. Il est très très moche. Ça pique les yeux. Ouais. Mais non, c'était un chef-d'œuvre. D'ailleurs, les yeux, d'ailleurs, c'était horrible. Donc, vas-y Virginie, on revient sur cette période historique pour Michael Jackson, mais pas que, également pour nous tous. Donc c'est un mini-film au budget pharaonique qui a été imaginé par Michael Jackson lui-même. Donc il avait beaucoup d'imagination, vraiment. Ouais. Le clip dure 14 minutes, rien que ça. Ouais. 14 minutes, wow. C'est un court-métrage, quoi. C'est un mini-film, voilà. Et c'est un clip, en fait, qui regorge d'effets spéciaux de ouf, qui ne sont pas dégueulasses encore pour 2020. Bah ouais. Cette aventure a eu un coût, puisque c'est un tournage à $900,000. Qui en fait, à l'époque, le clip le plus cher de l'histoire de la musique. Donc, on est en 82. Cette chanson, t'as vu tous les figurants qu'il y a dans le clip aussi? Il faut les payer. Tout. C'est ça. Le tournage, le studio, le plateau, tout. C'est un truc de dingue, quoi. Et cette chanson, ben, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle ne devait pas s'appeler Thriller, mais Starlight. Ah ouais, j'avais entendu parler de ça, ouais, effectivement. Et en fait, c'est un autre gars qui se cache derrière l'écriture de Thriller, qui n'est autre que le gars qui a écrit et composé Give Me the Night. Pour ceux qui connaissent George Benson. George Benson. Ouais. Alors on revient à Starlight, ou plutôt à Thriller. Quincy Jones, le producteur de la chanson, a demandé à modifier le titre. Il a senté pas Starlight. Il s'est dit non, c'est pas vendeur et tout. Et là, on lui dit bravo parce que Starlight. C'est surtout que Thriller, ça correspond tout à fait à. Au clip. Bah, oui. Bah ouais. Ça va super bien. Et puis clairement, Thriller, ça claque et ça envoie plus de bois quand même. Ah oui. Ça envoie plus. Alors, on va vous parler également rapidement. Du petit package Thriller. Donc c'est un clip recensé comme étant une œuvre de la culture américaine qui est inscrite notamment au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès. Je le dis pas aussi bien que toi, Audrey. Je suis nulle en English. Non, of course. Éclaté. Moi aussi j'ai un accent dégueu aux États-Unis. Me regarde qu'une tête. Ah, French, she's so cute. Allez, niquez-vous. Donc c'est quand même un clip qui faisait partie des 25 films sélectionnés par le Congrès en 2009, d'où effectivement son intégration à la culture américaine, donc au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès. Et ça, c'est pas rien. Donc pour rejoindre la bibliothèque de cette institution, il s'agit du seul clip musical parmi les 525 archives conservées par rapport à leur importance culturelle, historique et esthétique. Donc, on y retrouve dans ce clip une jolie playmate dans le clip de Thriller. Si vous avez vu récemment ou si vous allez revoir ce clip, il faut savoir que le rôle fut d'abord proposé à Jennifer Beals, la célèbre héroïne de Flashdance, ou Alex, pour les filles qui connaissent très bien ce film. Mais elle a refusé. Donc, ce fut une playmate star des papiers glacés des années 80. Qui s'appelle Ola Ray, une habituée des pages du magazine de charme Playboy, qui est embauchée pour interpréter la jeune fille poursuivie par les zombies. Mmh. Et à la fin de ce clip, on apprendra que Michael Jackson a adressé un message à ses collègues parce que Michael Jackson était témoin de Jéhovah. Et quoi ? En gros, il dit dans son message qu'il ne fait pas la promotion de Satan, ni de science occulte. Oh. Voilà. Okay. Mais attends, tu peux être témoin de Jéhovah et célèbre ? Ouais, il était témoin de Jéhovah. Moi non plus, j'en connais pas, quoi. Non, c'est possible, ça. Ça même pas non plus. Mais attends. Pour en revenir au clip, il y a eu vraiment un avant et un après Thriller de Michael Jackson, ce qui fait en fait, on est au début des années 80 aux États-Unis. Il y a le lancement de la chaîne MTV. On a tous, enfin. Nous, ça nous a pas forcément marqué au même point que les Américains, parce que et puis on n'était pas de cette époque-là, mais eux, c'est vraiment la première fois qu'il y avait une chaîne de clips musicaux à la télé. Et par contre, rappelez-vous des clips qu'on avait avant, notamment en France, mais pas que, où on avait juste un chanteur avec un espèce de décor derrière. Ou sans décor, un fond blanc des fois, et juste ça servait à faire la promotion de la musique, alors que à partir de, on va dire, il y a eu comment ça s'appelait, la Video Killed the Radio Star aussi au début des années 80, mais titre de Michael Jackson, c'est vraiment, regardez, en fait on fait une œuvre artistique qui n'est pas simplement à faire valoir de la musique, mais les deux se complètent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a vraiment un projet artistique derrière, et on met la musique avec, et l'une et l'autre servent de d'émulsion, enfin de comment dire, de les deux apportent quelque chose, quoi, à l'œuvre finale. Enfin voilà, c'était juste mon Personne n'a rien à dire. Michael Jackson, il faisait tout comme ça en vrai. Hein. Il y avait toujours une musique, quoi, tu vois. T'as raison, la carrière de Michael Jackson, si on va un petit peu plus loin, elle est dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fait quelque chose dans sa carrière, il était bien managé, hein, évidemment, mais on se souvient des shows de Michael Jackson aussi. C'était pas j'arrive sur scène avec mon petit micro et chante ma chanson. Il y avait la chorégraphie derrière, il y a eu des choses assez exceptionnelles qui ont été faites et qui ont été mises en avant, en tout cas, et c'était des choses qu'on n'avait jamais vues. Il a carrément... il a carrément officialisé des pas de danse, comme le moonwalk ou des choses comme ça. Bah, c'est ça, où on se souvient du moonwalk, on se souvient aussi, alors c'est des choses qui existaient avant, mais qui n'avaient jamais été mis en avant dans la pop culture. Mm-hmm. On se rappelle aussi, alors je sais plus dans quel titre, Smooth Criminal, je crois aussi, où il se penche d'un angle absolument impressionnant, et on est tous là à se dire, mais comment il tient le mec? Et en fait, voilà, il y a l'astuce des crampons qui sont dans le sol, mais c'est assez impressionnant même aujourd'hui. Et Teddy, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Thriller, je suis désolé, mais même si t'as des effets spéciaux que tu peux faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire à l'époque, ce qu'on voit dans Thriller pour un clip vidéo, c'est quand même assez exceptionnel, et il y en a pas beaucoup qui dans un clip mettent autant de budget pour avoir un truc aussi chouette dans un clip vidéo. Enfin, c'est juste que j'aime pas trop en fait Michael Jackson, c'est pour ça. Je parle pour ceux qui aiment pas trop Michael Jackson. Voilà. Donc il faut. Ah oui, tu n'aimes pas trop Michael Jackson? Non, mais on peut reconnaître l'œuvre. L'œuvre. Dans son ensemble, quoi. Ouais. Oui, bah, moi, c'est l'artiste que j'aime. Hein. Après, le personnage, non. Ah non, mais moi, c'est les deux. Il faut séparer. Il n'y a pas, à chier. J'aime rien du tout. Oui, mais t'as le droit. Tu peux reconnaître que le travail dans ses clips, tout ça, c'était incroyable pour l'époque, tu vois. Il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. C'est comme beaucoup, nous en France. Ah non, c'est pas français, Claude François. Si, putain, c'est François. À son époque, c'est un Égyptien, mais lui aussi, il était un peu comme ça, perfectionniste, à vouloir être chiant. Enfin, être chiant. Ouais, il était chiant apparemment avec ses plaies. C'est comment? C'est Claudette. Ouais, c'est ça. Il était chiant avec, il était très exigeant. C'était un perfectionniste lui aussi, avec sa danse, ses chants. Mais bon. C'est vrai. J'aime pas non, non, mais plus. C'est vrai. Mais après, voilà, on peut reconnaître les artistes pour ce qu'ils ont apporté à la pop culture. Il y a des artistes. Tu prends Lady Gaga, par exemple. Aussi, il y a certaines de ses chansons que j'aime bien, d'autres beaucoup moins. Mais la période où elle a explosé, j'étais pas particulièrement fan de ce qu'elle faisait. Mais par contre, fallait admettre que ça soit dans la réalisation de l'album, dans les concerts, dans tout ça, c'était hyper bien fait. Tu parlais de Claude François, effectivement, tout était millimétré, etc. Madonna, pareil. Enfin, il y a des grands artistes comme ça, où tout, c'est, l'exigence était poussée à son maximum, et ça donnait quelque chose qui a marqué les esprits, marqué des générations. Qui on pourrait citer maintenant notre époque qui fasse pareil? T'as quelqu'un? C'est un Lady Gaga, en vrai. Oui, ça se perd. Ça se perd. Mais on peut pas le savoir puisque ça n'a pas marqué l'époque qu'on est en train de la vivre. On le saura quand on aura du recul. Oui, et puis il y a quelque chose aussi maintenant qui fait un petit peu défaut, c'est l'investissement qu'on met sur les artistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le marché du disque qui s'est effondré, avec le fait qu'il y ait Internet, donc avec des mouvements de buzz qui soient beaucoup plus rapides, etc., on investit beaucoup moins d'argent dans un artiste en particulier. Ce qui fait que on a du mal à avoir que ça soit des shows ou des albums ou des productions de clips, etc., qui soient à un niveau budgétaire aussi haut que celui de Michael Jackson avec Thriller, quoi. Oui, et puis c'est pas les mêmes ambitions, c'est pas les mêmes non. Bah, après t'as des shows maintenant, maintenant on peut plus aller en spectacle, mais t'as des shows qui sont assez impressionnants, Big Flo et Oli, dans le dernier que je me rappelle, ils ont quand même une scénographie assez impressionnante, avec des décors en stuc qui avancent et tout, enfin, niveau budget, ils ont mis des trucs. Et puis, évidemment, qui surpasse tout? Les Chaka Ponk. Alors, Chaka Ponk et Muse. Muse est extraordinaire. Non, ils sont un peu petits, en fait. Farmer aussi, chez nous. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis bon, après, quand il y a des événements à budget, je pense au Super Bowl, par exemple. Bah oui, là on met le paquet à ce moment-là, avec les gens qui arrivent du plafond, avec des trucs qui se passent, etc. Mais parce qu'il y a l'événement qui finance derrière aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Mais les maisons de disques sont aujourd'hui beaucoup plus frileuses par rapport à ça parce qu'ils ont plus de thunes, quoi, clairement. Hein, donc. Bah, c'était Mylène Farmer qui faisait des clips incroyables aussi. C'était énorme. Cette même époque. Ouais. Ouais. Nous, à Indestar, on a Lindsay Sterling qui fait ça aussi. Qui ça? Lindsay Sterling, ouais, mais ces clips sont pas incroyable. Autant travaillés que ça. Bah regarde-les, tu verras. C'est plutôt pas que le budget. En termes de budget, Lindsay Sterling, c'est une artiste indé, hein, donc elle fait des très belles choses et elle est incroyable, Lindsay Sterling. Ouais. Mais bon, c'est pas le budget de Michael Jackson, hein, clairement. C'est vrai. Mmh. Ah bon. Virginie, tu voulais rajouter quelque chose sur celui-là? Eh bien non. D'accord. C'est une très belle musique. Non, mais ce qui est exceptionnel, c'est que donc tu as dit que Thriller c'était l'album le plus vendu de tous les temps, bon, qui a été dépassé hein, dernièrement, mais donc on va dire le deuxième plus vendu et le troisième album le plus vendu, c'est aussi un album de Michael Jackson. C'est Bad. Bad. Ah, c'est Bad. C'est Bad. Ouais, c'est Bad de Michael Jackson. Je l'ai eu en cassette. Oui, j'adore. J'adore. Ah, je l'ai en CD. Moi, je suis plus moderne. Attention. Ah, ouais. Compact disque. Merci en tout cas Virginie pour cette explication de l'histoire de Michael Jackson et Thriller. Et vous pouvez continuer de danser la danse Halloween. On voulait le faire hein, d'ailleurs en vidéo. Peut-être que ça sera. Ouais, on pourra même pas faire la choré cette année. C'est con. Mais c'est pas grave. On la fera l'année prochaine. Exactement. Il faudrait que tu balances les photos, Théo, qu'on a prises là de cette soirée Halloween là, qu'on se voit individuellement là. Ah, les petites séquences qu'on a faites. Mais c'est pas des photos, hein. C'était des petites séquences vidéo qu'on a faites qui sont dans le petit montage vidéo qu'on vous a mis sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller le voir hein, si vous l'avez pas encore vu. Ouais, j'ai vu. Je suis vu. Ouais. C'est joli. Ouais. Rapide. Bravo. Ah, ouais. T'as vu un peu ce costume de ouf? J'avais accessoirisé. Là, il y avait des effets spéciaux de dingue. Elle avait mis toute la production dedans. Attends, on a copié Michael Jackson quand même, hein, et on fait un grand merci à Hubert qui peut-être nous écoute et pour l'aide apportée pour la réalisation de ce clip parce que bah ça demande quand même du travail, des effets spéciaux, des caméras, du matériel, etc. Donc voilà. Et le Hubert et un étang aussi accessoirement, donc ouais. Il nous a prêté tout ça. Une barque, tout... un étang. Ouais, merci à Hubert et merci à Centre Accord. Si tu nous écoutes. Monsieur de Centre Accord, nous écoute certainement. Ouais. Linda, tu auras un quiz Halloween tout à l'heure. J'ai des histoires flippantes aussi à vous raconter. Et puis Jolane, dans un instant, le top 5 des jeux vidéo d'horreur. Juste après Jesse. Ouais, par contre, je récapitule, ce ne sera pas un top 5, mais une présentation d'un film. D'accord, et ben ça sera la présentation de série, après un peu de camouflage de Jess Moskaluk sur Indestar. Indestar, là où tout commence. Où tout commence. Alors oui, le camouflage de Jess Moskaluk sur Indestar à l'instant, qui nous rappelle le déguisement que l'on peut rendir ce soir si vous avez envie de fêter Halloween à la maison et de faire peur à votre famille. Pourquoi pas? En tous les cas, nous on est là sur Indestar jusqu'à, j'allais dire 23h, mais c'est déjà dépassé, donc jusqu'à tard dans la nuit, tous ensemble pour vous faire vivre Halloween. Ce soir, il y a du monde dans chacun chez nous, j'allais dire, en studio. Il y a Virginie, il y a Linda, il y a Audrey, il y a Martin, il y a Teddy en studio. Qui j'ai oublié? Virginie, je t'ai cité. Oui, présente. J'ai Linda aussi. T'as pas oublié personne, tout va bien. Si, c'est oublié lui-même, il y a Théo. Ah oui, mais bah oui, il y a Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir. Il y a moi, puis il y a oublié Martin. Non, j'ai pas oublié Martin. Non, j'ai dit Martin. Ce qui est sûr, c'est que Jolane, toi, tu es présent et tu as envie de nous présenter une petite série. Une série qui fait flipper, j'imagine. Hein. Qui fait très peur et que j'ai du mal à finir derrière tellement me fait vraiment peur. Ça passe en ce moment, c'est un truc récent. Alors, c'est un truc qui est sorti en 2018, donc c'est assez récent quand même. Bah oui, oui. C'est une série qui vient des États-Unis, mais elle existe en VF, en version française. Donc, il s'agit de The Haunting of Hill House, la maison hantée. Ah, The Haunting of Hill House. Voilà. Elle fait flipper cette série, laisse tomber. Elle est vraiment. Ce qui faisait flipper, c'est l'anglais de Jolane. Elle fait vraiment flipper. En fait, ils arrivent à te faire ressentir des trucs de, enfin, vraiment, vraiment très angoissants. Donc, si vous avez peur la nuit ou quoi que ce soit, bon, c'est peut-être pas le bon truc à regarder. Parce c'est que pour ça que tu regardes ça et après tu me dis, ouais, je fais des insomnies et tout. Non, mais des insomnies, j'en fais depuis très longtemps, ça, c'est pas le problème. Depuis longtemps, regardez les vidéos. Ça fait vraiment flipper parce que y a du surnaturel, il y a plein de trucs un peu chelous qui se passent dans la maison, d'où le titre de la série. En fait, je vais vous lire le synopsis, hein, si vous voulez, pour que ce soit un peu plus clair. Oh non, raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Comment ça se passe comment t'expliquer Bon, vas-y, le en fait, si tu veux, ils sont 7 enfants. Ouais. T'as 2 jumeaux. C'est 7 à la maison. Ils sont 7, voilà, ils ont 7 enfants, 2 jumeaux, et t'en as 2 qui sont plus grands. Donc, c'est pas des nains? Hein? Non. Non, rien, vas-y, pardon. Et en fait, si tu veux, t'as une. Je vais vous le dire, t'as une des jumeaux qui est une fille et qui voit des trucs bizarres. Du coup, c'est des jumelles? Non, il y a un garçon, il voit des trucs pas normal, tu vois. Donc par exemple, elle va voir une femme au cou tordu au-dessus de son lit. Pas très gentil. Voilà, le truc un peu flippant. Et t'as le petit qui va avoir une fille qui s'appelle Abigail, mais qui vit dans les bois, par exemple. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment des trucs très surnaturels et vraiment très très très prenants, parce que bon, moi j'y crois. Enfin, je suis un peu sceptique, mais j'y crois un petit peu quand même aux esprits. Donc ça fait. Je dis toujours. Est-ce qu'on me dit est-ce que tu y crois Je lui dis bah ouais. Enfin. Ouais, mais je m'amuserais pas à les provoquer. Quoi. En gros, c'est ça ce que je réponds. Non, tu dis non, j'y crois pas, mais bon. Mais je vais pas m'amuser à faire des tables de Ouija ou ce genre de truc, tu vois, par exemple. C'est pas le bon délire. Alors, donc du coup, bah, c'est une série qui a qu'une saison pour l'instant. La saison 2 est sortie. Enfin, la saison 2 est sortie il y a quelques jours là. Moi, je suis qu'à la saison 1. Et je suis à l'épisode, attendez, je vais vous dire ça. Je suis à l'épisode 9 et elle est vraiment très dure, la série, parce qu'elle est vraiment très prenante. Enfin, pour moi, après, moi, je suis une flippette de base, donc. Pour les gens qui n'ont pas trop peur, en vrai, ça passe. Dans la série, ce qui fait vraiment peur, c'est que ça se passe la nuit et il y a un silence pesant de la nuit, tu vois, en fait. C'est. De toute façon, je veux dire, tous les êtres humains. Ont un peu peur la nuit, toutes les angoisses se réveillent le soir. Non, et pas tout. Moi. Et. Oui, pas toi, mais je veux dire. Mais t'es dit, c'est surnaturel, c'est pas un humain. Mais t'es dit, c'est un cas, de toute façon. Mais non, mais j'aime bien la nuit. En fait, en fait, ça réveille certaines angoisses chez certaines personnes. Moi, ça en fait partie parce que la nuit. Ouais, mais la nuit, c'était une peur atavique en même temps. C'est comme les serpents, c'est comme. Oui, c'est voilà. Une peur mais du coup, cette série, elle est vraiment prenante, elle est bien. Après, ce que tu t'y attaches aux enfants et tout, tu te dis, en fait, non, ils sont. Au début, tu te dis, ils sont tarés, ça n'existe pas, mais après, il se passe vraiment. Au fur et à mesure des épisodes. Comment ? Moi, je me pose une question, du coup, t'as peur parce que tu crois à ce que tu vois ? Bah, moi, j'y crois un petit peu, donc ouais, je me mets à la place des gamins. Par exemple, t'as les parents qui viennent les rassurer en les disant quand ils font des cauchemars, quand ils crient parce qu'ils les appellent en pleurant, tu vois. Et t'as le père qui dit, tu sais, ma chérie, les rêves, des fois, ils débordent, tu vois, donc il rassure l'enfant, l'enfant se rendort. Et genre, il arrive à se rendormir. Bah ouais. Parce que t'as un problème, toi, Jolan, pour que l'enfant se rendorme. Ah non, du tout. Pardon, mais genre, la gamine, elle voit une fille avec un coup d'ordi au-dessus d'elle. Moi, je n'arrive pas à me rendormir, perso, même si on me rassure, tu vois. Donc, mais ouais, cette série, elle est vraiment prenante. Par contre, je suis pas sûr que ce soit un truc à regarder avec les enfants. Oui, clairement. Normalement, que c'est. C'est vraiment, il y a des. Comment ? C'est pas un Peggy 12 ? Alors, il y a même Peggy, je suis assez surpris d'ailleurs, parce que je suis sur Allociné, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de Peggy. D'accord, mais quand tu regardes sur Netflix, c'est pas marqué ? Attends, si, c'est marqué. Je vais te dire, si c'est marqué ou pas. Et est-ce que tu penses que toi, tu vas regarder la fin de la saison et la saison là, je suis à l'épisode 9 et là, il me reste 57 minutes d'épisode. Oui. Et j'ai pas envie de finir. Ah oui, d'accord, ok. Ça fait vraiment peur, hein. C'est à ce point, quoi. Tu veux un truc qui fasse bien peur et qui mette un gros malaise pour au moins 2-3 semaines de ta vie? J'en connais un, parce que tout à l'heure, en fait, on en a parlé de ce que vous, ils vous font le plus peur ou le malaise. Moi, j'ai rien dit parce que je savais pas trop, si je dois le dire ou pas. Mais il y a un film. Vas-y. Effectivement, c'est l'un des seuls films qui m'a fait pas me sentir trop bien. C'est en plus, je suis un papa, donc je vous explique pas plus. Ouais. Ça s'appelle Serbian Film. C'est N'allez pas voir. N'allez pas voir. D'accord. N'allez pas voir. Non, mais parce que ça fait flipper Teddy, c'est que vraiment ça fait flipper. Mais clairement, est-ce que c'est pire que Human Centipede? Human Centipede, c'est rigolo. Human Centipede, c'est un film d'horreur pour moi. Human Centipede, c'est marrant. Tout ce qu'on a dit avant, c'est marrant. Annabelle, ça c'est mignon. Donc si ça te fait flipper, cette série m'a vachement marqué. C'est pas autorisé en France. Hein ? C'est pas autorisé en France, pardon, excuse-moi, Johan. Ah oui, d'accord, c'est pas autorisé en France. Ouais. Donc oui, si vous voulez vraiment avoir un truc vraiment bien comme il faut, allez le voir. Mais sinon, non. Du coup, je vous conseille cette série si vous aimez un peu les trucs un peu surnaturels ou quoi que ce soit. Surtout que ça se passe dans un manoir. Évidemment. Oui, la maison des Hills. Donc après, ce qui me fait flipper aux États-Unis à chaque fois, c'est que tu sais, enfin, ils te font des plans mais incroyables sur les cinématiques. Ils font des plans sous les portes, à hauteur d'épaule. Mmh. C'est des trucs qui font flipper. Moi, je me dis non, vas-y, ouvre pas la porte. Mais il ouvre la porte. Et bam. Ah, mais c'est ça, les secrets des réalisateurs, ils ont une importance de ouf. C'est ça, en fait, moi, ce qui m'a énormément non plus dans ce film, c'est vraiment comment c'est filmé, comment c'est présenté, l'ambiance. Enfin, mais c'est ça, c'est en fait, dans un film d'horreur, tu peux avoir un scénario, je vais pas dire de merde, mais un scénario qui soit pas ouf, mais si t'as une bonne réalisation, en fait, si t'as une ambiance, tu vois, qui est pesante, glauque, etc., bah, c'est ça qui te fait. Là, elle est glauque, l'ambiance, elle est pesante, parce que t'as vraiment le silence du manoir, enfin, t'as tout le monde qui dort et tout. Et à un moment, t'entends des tapotes dans le mur, tu dis mais je suis tout seul en fait, qu'est-ce qui se passe là? En vrai, en tant qu'humain, normalement, j'ai vu un truc comme ça récemment. Vous savez les pièces insonorisées qu'on utilise pour enregistrer du son et tout ça? Oui. Ce genre de pièces-là, on peut y rester genre à peu près 11 à 12 minutes avant de se sentir mal. Pourquoi? Bah parce que justement, c'est totalement silencieux, tu n'entends rien. Et pendant 10 minutes, tu vas rien entendre, à part au bout d'un moment, tu vas entendre tes battements de cœur, des bruits que tu n'entends pas d'habitude, des bruits corporels à toi. Et ça met une angoisse, apparemment. Surtout quand t'es seul, évidemment. Dans la cabine d'enregistrement Indestar, t'es dit, savoir si ça fonctionnait. J'y vais. J'y rentrerai pas, tu vois, moi, dans ton truc. Mais si, mais non, mais ça le fait pas, c'est pas une cabine d'isolement non plus. Je crois que je vais mettre une poupée. Je vais mettre une poupée dans la cabine. Ça va être marrant. En vrai, si vous aimez un peu les frissons ou quoi, cette série elle est vraiment cool. Et il y a la 2 là, je viens de vérifier, il y a la 2 qui est sortie effectivement. Et je sais pas si je vais arriver à voir la 2 pour vous dire. C'est dispo donc, tu as dit, sur Netflix? C'est dispo sur Netflix, ouais. Ok, d'accord. Bah, merci Jojo. On a Alexander Stewart avec Backward dans un instant, et avant j'ai deux histoires flippantes, enfin en vrai j'en ai trois mais je pense que deux ça suffira. Deux histoires flippantes à vous raconter, dont une que vous connaissez tout à l'heure, enfin forcément, et tout à l'heure Audrey t'en a un petit peu parlé, c'est celle de Bloody Mary. Elle est horrible celle-là. Ben, elle est horrible. Elle est mignonne. Et tirée d'une histoire vraie. Oui. Et là, donc je vous raconte. Il y a la musique qui fait flipper dessous, Teddy. Tu veux quoi comme musique qui fait flipper? Non, je sais pas, n'importe quoi, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui fait flipper dessous? Ambiance. Bah, le bed ne fait pas trop flipper en vrai. Attends, vas-y, bon, je change de bed pour voir. Nous en mettre un autre si tu veux, mais bon. Alors, on est en 1997. Je me suis pris un gros vent. Mais... Anna, pardon, tu voulais dire quoi? Je savais pas ce qu'il dit, tu m'entendais pas. Non, bah, je Bloody Mary, c'est la femme qu'on voit dans un miroir, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais te laisser raconter l'histoire. C'est exactement ça, et tu vas voir que on va faire une petite piqûre de rappel. Et c'est donc, un très bon cocktail aussi. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est un bon cocktail au bar. Pardon, Théo. Pardon. Alors, nous sommes en 1997. Anna, 9 ans, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire de Mary Wurtz, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Donc ils jetèrent tous les miroirs de la maison, sauf celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Et dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent « Ah, c'est marrant, c'est rigolo, on va essayer pour voir. Ouais. » Donc elle s'enferme dans la salle de bain et elle répète devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary !» Et soudain, une des amies d'Anna donc, se met à hurler tellement fort que la mère fait éruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et là, elle découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue court de profondes entailles sanguillonnantes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Wurtz. Voilà. Ah, c'est fini? Ah, on est bien? C'est pour ça qu'il ne faut pas, même si c'est une histoire avec c'est tiré de fer réel, il faut jamais. Tu vas pas gueuler Bloody Mary devant ton miroir, c'est ça? Je l'ai déjà fait, ça va marcher. Hein. Je suis triste. Mais normalement, t'as d'autres choses à faire aussi. Tu dois tenir une bougie et tourner sur toi-même. Oui, il y a plusieurs versions, effectivement, mais tourner trois fois même sur soi-même et tout ça. J'ai essayé beaucoup de choses, ça marche pas. Hein. Mais arrête de payer, mais t'es pas fini, tu vois. Rien à faire. C'est des trucs peu, comment dire, superstitieux, donc il faut un peu y croire pour. Mais ouais, mais c'est compliqué, s'il faut y croire pour que ça marche, hein, merde. Ouais, Teddy, il y croit pas. Bah si, j'aime bien ce genre de truc, mais si je le vois pas, je peux pas le croire, enfin. Mmh. Ouais, t'es un peu. Ouais, comment il dit c'est comme la dame blanche. Ouais, Saint Thomas d'Aquin. La dame blanche, moi j'aimerais bien voir une dame blanche. Pour une deuxième histoire, les amis. Oui, raconte-nous une histoire, frère Castor. Qui me l'a raconté quand j'étais petit, cette histoire. En plus, un voisin. C'est faux. Je sens que c'est faux. Je sens que c'est faux, quoi. J'avais des voisins quand j'étais petit. Hein. Voilà. Waouh, t'avais des voisins. Je la raconte à la première personne comme si j'étais. C'était un ami de ce voisin. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Ça faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon portait des vêtements larges, marrons et un masque noir de chef, donc je voyais pas son visage. C'était un costume étrange et surtout qui porte un costume le lendemain d'Halloween, personne a priori. Ce qui faisait que je ne reconnaissais pas ce gamin. Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main de plus fortement à chaque seconde. Et à ce moment-là, j'ai détourné le regard. J'étais terrifié en fait, voilà, j'avais besoin de m'enfuir. Le feu est passé au vert, ce qui m'a semblé une éternité. J'ai démarré, je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Ensuite je suis arrivé à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. What? Sauf que j'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'ils me la donnent. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Il était marqué dessus: ne dis pas que je ne te t'ai... Ah, pardon. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Et c'est ton voisin qui t'a raconté ça? C'est mon voisin qui m'a raconté ça, oui. Ça s'est fini au tribunal par un procès avec son ex-femme. Le gamin. Non, mais voilà. C'est flippant quand même, hein. Un petit peu, ouais. Oh la vache. Moi, sur Bloody Mary, j'en connaissais une autre d'une. C'est pour ça que je te disais d'une histoire vraie, ouais. Ouais. D'une gamine enterrée vivante à cause du. Pas du scorbut, à cause du. De la variole. D'une infection pulmonaire. Mm-hmm. Genre une peste pulmonaire, un truc comme ça. En gros, famille, Bourges, 1800, blablabla. La gamine tombe malade, tombe de cette peste pulmonaire-là. Et en fait, c'est une maladie qui fait que ton rythme cardiaque et respiratoire descend tellement bas qu'on pourrait croire que t'es morte, mais c'est une forme de coma. Oui. Et donc, t'es enterrée dans le jardin. Enfin, dans Et tu te réveilles après. Voilà. Oh. En fait, à l'époque, mais ça, c'est une des vraies, ça, c'est une vérité historique. À l'époque de cette maladie, il y avait des gens, on savait pas trop qui était mort, qui était pas mort. Et si tu réagissais pas, c'est que t'étais mort, mais ouais. En fait, ils connaissaient pas le coma. Donc, ils enterraient les gens, mais ils attachaient une cloche à leur poignet, relié à l'extérieur, donc il faut un nœud au poignet et pour t'as un trou. Signe si tu te réveillais. Et voilà, parce que quand tu te réveilles, tu t'agites. Donc si tu t'agites, ça fait bouger ça fait bouger la cloche. Sauf que pendant cet hiver-là, donc la nana chope la peste bubonique là. Enfin, c'est la peste noire, la hiver. Peste butonique. Quoi? La peste noire, c'est la peste butonique. Bubonique, oui. Mais là, bon, bref, on s'en fout. Elle chope une maladie pulmonaire, elle tombe dans le coma, elle se fait enterrer, sa mère reste à côté de la tombe, sauf que le mari lui dit « Écoute, très cher, il fait moins 14 000, tu vas rentrer, sinon tu vas choper la mort aussi. » Elle rentre, et en fait, la gamine se réveille et n'est jamais déterrée. Personne n'entend la cloche. Ah oui, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut tourner trois fois pour... Normalement, quand tu tournes, t'entends les bruits de la cloche. D'accord. Moi, je connaissais cette version de l'histoire. Ok. Ouais. Non, j'étais en train de penser que quand je me ferai enterrer, je mettrai un truc plus moderne, quoi, genre un téléphone portable à l'intérieur. Mais ça capte pas. Tu mettras ton ancien bouse à côté et une cloche. Ou alors un signal, je sais pas, tu sais, un signal beeper, je sais pas. Ouais, tu prends ton tam-tam. Mon tam-tam, exactement. Un truc de ma génération, quoi. un Walkman. Ouais. Elle est moqueuse, Virginie. Elle a raison, tu vis dans les années 50 en même temps. Bah oui, on est d'accord. On a un quiz Halloween que tu nous as préparé, Linda, dans un instant, pour savoir qu'on a bien tout retenu de la soirée. Et on a Backward de Alexander Stewart maintenant sur Indestar dans cette spéciale émission Halloween. Indestar. Indestar. Là où tout commence. Là où tout commence. Bon les amis, on arrive quasiment au terme de cette émission spéciale Halloween sur Indestar. Si vous avez raté le début, vous pouvez la retrouver quand vous le voulez sur une vingtaine de plateformes de podcast. Ça sera disponible dès demain. En attendant, pour faire le résumé de tout ce qu'on a écouté depuis tout à l'heure, on vous a donné des petites infos, des petits tips sur Halloween, et notamment au début de l'émission avec Audrey. On va voir si on a bien tout retenu avec le quiz Halloween de Linda. Oui, alors je vous ai fait des questions plutôt simples, vous allez dire, mais écoutez bien parce qu'il y a des pièges. Par exemple, quand cette fête a-t-elle lieu ? Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre ? Dans la nuit du 30 octobre au 31 octobre ? Ou dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre ? 31 octobre au 1er novembre. Réponse bien, A. Bien Théo. Bien, un point. Il y a quelqu'un qui fait les points ? Non, personne. Si, moi. Moi, je fais les points parce que j'entends bien. C'est un exemple, ça ? Allez, vas-y. Ah oui, alors à chaque fois tu as des propositions ou pas ? Oui, à chaque fois. D'accord, donc on va pas faire comme ça, je vais pas parler tout le temps, mais on va attendre 3 secondes et puis on va donner nos propositions. OK. Ah, donc okay. Je donne pas de propositions moi. Bah si, tu les dis. Voilà, si un peu comme Vita Conso. Et Teddy, tu comptes les points ? Je compte les points, oui. OK. Je peux participer aussi de toute façon. D'après la tradition, que disent les enfants aux adultes qui leur ouvrent la porte ? Des bonbons, une histoire drôle ? Des bonbons ou un mauvais sort ? Des chocolats ou un mauvais sort ? Virginie, réponse B. Alors, attends, on a dit qu'on attendait 3 secondes. Ah. Voilà. Donc, on va demander à Audrey. Réponse B. Oui. Des bonbons ou un mauvais sort ? Ouais, c'est ça. Oui. Je crois qu'on est tous d'accord, en fait. Hein, Farce ou friandise. J'ai commencé par des trucs faciles, hein, quand même. Ouais. Alors, troisième question. Il s'agit d'une fête folklorique grecque, folklorique française ou folklorique anglo-saxonne ? Réponse C. Réponse C. Il n'y a pas de C. Elles sont rapides, les 3 secondes. Ah oui, pardon. Bonjour. Il n'y a pas de C, c'est si, clairement. Non, mais moi, je n'ai pas mis de lettres, donc ça me perturbe, en fait. On est sur la réponse C. On fait vote à majorité absolue. Oui. On est au code de la route là, si c'est on fait. Au pire, attendez. Attendez, j'ai une idée. Au pire, on va répondre chacun notre tour. Ça va être une personne qui va répondre, après c'est une autre personne et ainsi de suite. On fait un petit roulement comme ça. Ouais, on fait majorité absolue. Majorité, oui, alors ailleurs. Et il est 23h30, on est plus à ça près. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, justement, comme il est 23h30, question facile. Quelles sont les deux couleurs traditionnelles associées à Halloween ? Orange et noir, noir et rouge, orange et bleu. En rouge et noir. Non, je t'éclate, c'est orange. En rouge et noir. Mais c'est orange et noir. Qui c'est qui dit orange et noir ? Mais non, mais c'est pour... Non, mais c'est la blague, Linda. Jamais. La blague de Jamais. Soyez sérieux. C'est Théo qui l'a faite. On est là pour gagner, nous. C'est Théo qui a fait la blague. Ok. Alors, suivante. De quelle célèbre légende est issue la citrouille ? De la légende du bonhomme 7 heures, de la légende de l'orge ou de la légende de Jacques la lanterne ? De Tim Burton. Réponse C. Jacques la lanterne, oui. Bon, là, vous avez fait les malins. À celle-là, vous n'allez pas répondre. Quel est le poids de la plus grosse citrouille ? 14 kilos, 821 kilos, 1400 kilos. 800. Alors la bonne réponse était 821. Mais oui, bien sûr. Allez. On le sait. Dans Vita Conso, on en a parlé. C'est des citrouilles cultivées pour. C'est des concours aux États-Unis. Et où ils cultivent des citrouilles et des légumes géants. Mmh. Et donc là, il y avait une citrouille qui pesait 800 kilos. Mais comment t'arrives à... Enfin, j'imagine qu'il y a des engrais et tout. Ils sont pas sans OGM. Une citrouille de 800 kilos, c'est des hybrides. Mais non, mais c'est des hybrides sélectionnés. Tchernobyl ? Ouais. Ou t'enterres beaucoup de cadavres dessous, ça fait beaucoup. Peut-être, ça donne de... Voilà. Des apports azotés, bonjour. C'est le poids de ma voiture exactement pour eux. 800 kilos. Ta voiture est une citrouille. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu disais ? Moi, je disais sa voiture, c'est une citrouille. Ouais, c'est une voiture citrouille, ma voiture. Ouais, on va te renommer Cendrillon. Ouais. Comme Cendrillon. Non, c'est un carrosse, ma voiture. Oui. Alors, la suivante, je vais essayer de vous la faire bien parce que c'est en anglais, c'est chaud pour moi l'anglais. Alors, Halloween est une altération de All Hallow Eves ou All Hallow Event ou All Hallows Eve. Réponse B. On l'a mieux prononcé. Celle que tu prononces le mieux. Oui, c'était la B. Non, c'était la. Audrey. All Hallows Event. Ouais, c'est la B. Hein. Ah non, moi je n'ai pas ça comme réponse. Ah ouais, c'est la A. All Hallows Eves. Oui, Yves. Ah bon, oui, Yves. Et ça veut dire le soir de tous les saints, en fait. La veillée de tous les saints. Ok. Ouais. Okay. Bon. Voilà. Et alors, pour finir, il y a trois questions encore. Depuis quand célèbre-t-on Halloween ? Depuis 4000 ans ? Depuis le 19e siècle ou depuis les années 1930 ? Bah, ça dépend où. Oui. Ah, bah, en France ? Ah, en France ! Ah, bah 1900. T'as raison. Bah, en France, on a dit que ça avait explosé dans les années 90. Mais c'est quoi le 19e ? Alors, c'est 18 ou. Oh, je sais plus. Non, c'est 1800, oui. Non, mais j'irais 1930, mais le plus récent, mais enfin, je pense que ça a vraiment explosé, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que ça a explosé dans les années 90 en France, quoi. Alors, pour vous répondre, je sais que ça a débuté il y a 4000 ans, mais c'est vrai qu'en France, ça a débuté dans les années 90. Mmh. Voilà, donc ça a bien débuté il y a 4000 ans. Alors, je sais pas où, mais en tout cas, En Irlande, du coup. Ouais, d'accord. Ouais. Ça, c'est une réponse que vous pouvez avoir si vous avez écouté Audrey. À l'origine, le symbole d'Halloween n'était pas une citrouille, mais... un navet, une poire, un pâtisson. Navet. Curcubitus. Le pâtisson. Trop mignon. Le navet. C'est le navet. Eh oui, c'est le navet. Eh oui. Le symbole du navet sculpté dans lequel on mettait une bougie, c'est ce que tu racontais. Ah, et après, on a pu une bougie et on a mis des fleurs. Ouais. Mais non. C'est pas la... Et la dernière qui va être facile, parce que Teddy va adorer. À quelle famille botanique appartient la citrouille ? Les curcubitacées ! Mais laissez-moi finir ! Les curcubitacées ! Les curcubitacées ou les tubercules ? Non mais c'est... parce qu'on aime beaucoup dire le mot cucurbitacé. Voilà. Oui. Mais il y avait une histoire à l'école pour ça ? Non mais il y a une parodie surtout du Palmacho de... Ils font une chanson sur le curcubitacé, c'est très marrant. Mm-hmm. Ah bon ? Bien sûr. Mais tu l'as en plus, je crois. Teddy dans Oula, attends. Oula, tu vas me demander beaucoup là. Non, mais c'est le cucu, c'est le cucu. As-tu déjà vu mon cul que bitassé On l'a passé dans Actu Solide il y a pas longtemps, effectivement. Comment passer d'Halloween dans un truc drôle en fait. Bah ouais, mais en parlant de curcubitacé. De qualité. Évidemment. Et donc pour clôturer, on a peut-être les points déjà. Ah bah oui, je sais pas si on a vraiment des points parce qu'on non, a tous non, y a pas de points là, non. Mais non, y a pas de points, c'est collectif. Ouais, on a décidé de faire collectif, on fait collectif. Et ben en vrai, vous avez bien répondu, je trouve. Hein. Ouais, on est bon. Ouais, on est bon, on est bon. Mais les questions, alors donc, étaient relativement faciles, mais c'est surtout que Audrey nous avait donné pas mal de tips au début, quoi. Ouais. Petite question à la populace. Oui. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences un peu cheloues? Genre un peu en mode c'est chelou. On commence par Jolane. Oui. Non. Si. Jolane il est plus là, il en a marre. Si, je suis là, j'étais. Pardon. J'étais pas là, je faisais une game. Non, il s'en bat la race. Jolane, est-ce que t'as vécu une expérience un peu chelou? C'était dans la maison de mes grands-parents. Ça veut dire oui, ça. Oui, qui habitent en Moselle. En fait, ils avaient une vieille maison avec des escaliers en colimaçon et ils avaient une chambre qui était vraiment à l'étage. C'était comment on appelle ça une chambre de bonne. Une mezzanine. Non, pas une chambre de bonne, mais c'était vraiment un truc que, à la base, ça devait servir de grenier, mais ça a été réaménagé en chambre, tu vois. Les combles, quoi. Voilà, c'était dans les combles. Ouais. Du coup, j'y vais et mes grands-parents avaient le. Je sais pas, ils kiffaient les poupées, ils mettaient les poupées sur un banc, et j'y vais, et j'allume la lumière, et là la lumière tombe, la lumière s'éteint, et t'as une poupée qui tombe par terre. Oh, là, je suis descendu, j'ai fait, et en plus on m'avait dit d'aller chercher une chaise, j'ai fait non, j'y vais pas. Et puis j'ai tes grands-parents collectionnaient les poupées comme ça. Ah ouais, non, mais en plus moi j'ai dormi dans une pièce où en fait c'était, c'était les parents de ma mère, enfin. Et j'ai dormi dans la chambre de ma mère, et puis ma grand-mère à l'époque collectionnait les poupées parce que ça avait de la valeur. Et elles étaient juste en face de moi au niveau du lit, tu vois. Je me réveillais à me regarder. Bonsoir. Calu, ça va? Ah, c'est le souvenir le plus glauque que j'ai eu, quoi. Ça me fait penser au film, tu sais, le Paris avec Didier Bourdon, et puis et tu sais, à un moment donné ils dorment dans une chambre et le mec il se déguise en femme et il fume une clope à la fenêtre. Je me rappelle plus. Il y a des poupées partout dans la chambre. Oh, ah, c'est d'accord. Non, mais c'est comme les clowns, hein, ça peut faire flipper, clairement. Il a un trophée, il est poumon d'or. Ah oui, il est poumon d'or, putain. Non, mais ce film. Il est excellent. Il faut le voir, les gars. C'est tabou. On en reviendra tous à vous. Évidemment. Oui, excellent, ce film. Linda, un truc chelou qui t'est arrivé, non? Un truc chelou qu'on m'a raconté, en fait, c'est pas moi, c'est ma grand-mère, en fait. Elle avait une grosse armoire, je sais pas si vous voyez, mais... Elle est normande, là? Ouais, en plus. Genre l'armoire de... un beau truc de bois, tu sais. Ouais, genre l'armoire de un peu de Narnia, c'est les gens de... En tout cas, c'était un truc costaud, et il y a un jour, il y a tout qui s'est pété la gueule dedans, quoi. Et on sait pas pourquoi. Ah ouais, d'un seul coup, en fait, tout s'est cassé la gueule. Ah, c'est une vieille armoire, hein. Des fois, les mythes peuvent ronger le bois, et même si l'armoire est très solide, ça peut... Mais les mythes, c'est pour les vêtements, Yann. Non, elle s'attaque le bois. Tu rigoles ou quoi? Les termites, ça attaque le bois. Ah oui, les termites, pardon. Les mythes. Ouais, ça va. En tout cas, ça fait peur sur le coup quand tu sais pas. Tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Il n'y a jamais eu d'explication? Non. Mais je pense qu'il y avait un truc dans la baraque ou quoi. Il y a aussi un Jean dans l'armoire. Ouais, il avait envie de débarrasser. Je viens de me rappeler d'un truc. Fantôme à la quéquette tordue. Virginie, elle, c'est le fantôme à la quéquette tordue qu'elle a vu. Il était dans. Ah, Théo? Oui. Je viens de me rappeler d'un truc aussi, bon c'est pas un truc surnaturel, mais tu sais mon grand-père était pêcheur quand il était dans sa jeunesse. Il a fait empailler un brochet. Oh non, ça c'était horrible. Et il était juste à l'entrée, tu sais, mais à chaque fois tu sursautais quand t'arrivais, c'était... Ah bah oui, le truc avec la gueule ouverte, c'est quoi ce machin? T'as peur d'un poisson? Parce que taxidermie, il faut arrêter. Ah, il y avait ça chez mes grands-parents aussi. Ça me donnait des Maintenant, il y a deux écureuils qui sont dans un vieux fournil, et ils ont une gueule, mais à mourir de rire, les écureuils. Ils sont complètement desséchés, là. Évidemment. Virginie. Mais ça fait flipper les enfants, tout ce qui est taxidermie. Ça fait flipper tout le monde. Oui, un animal mort. À part le fantôme. Dans ta baraque. À part le fantôme à la queue tordue. T'as vu un truc bizarre? À la quéquette tordue. Ouais. Moi, il m'arrive que des trucs. Banal. J'ai une vie normale. Non, moi, j'ai des trucs. Ou des trucs drôles, tu vois. Enfin, je suis un peu Pierre Richard, moi, dans la vie, tu sais. Gaston, la gueule. C'est ça. Non, mais je sais pas. Tant mieux, Virginie. Martin, peut-être une histoire chelou? Martin est plus là. Martin a perdu. Ah, il en avait marre. Si, ouais, mais ça coupe un peu chez moi. Ah, pardon. Non, okay. C'est bon, je vous ai là. Mais non, moi en plus, j'ai beau réfléchir depuis tout à l'heure, ça me dit rien du tout. Ouais, toi pareil, t'as une vie Pierre Richard. Je pense pas bien. Il est ordinaire. Une vie ordinaire. Audrey, par contre, t'as des trucs à nous raconter, je suis sûr. Oh bah oui, non, mais moi j'ai fait que de la merde. C'était très drôle. J'ai été en privé. J'ai été dans un établissement privé catholique au lycée. Ça m'étonne pas de toi. T'entends parler, totalement, la charretière. Bref, parce que bagarre avec ma mère qui m'a dit privé ou privé, je lui ai dit internat ou internat. Et du coup, on a trouvé un compromis des deux, donc privé-internat, bref. Et donc, j'étais à l'internat. Ce lycée privé catholique est très très ancien, il y a même un site archéologique dessus. Et c'était avant tenu par les bonnes sœurs. Et donc il y a des histoires de ouf. Et je faisais croire à mes petits camarades de classe que je voyais les fantômes. Enfin, mes petits camarades d'internat. Et je leur faisais faire des planches de Ouija et tout. Après, j'avoue, il s'est passé des trucs chelous. On n'aura jamais l'explication. Mais c'était très drôle. On a 1000 histoires à raconter. Toi, tu en jouais de ça. Non seulement. Ah, j'accélérais le truc à fond, Genre, parce que c'était trop drôle de les voir terrorisés, moi ça me faisait mourir de rire. Et toi, t'as pas flippé des événements qui se sont passés, que t'as vu en disant ah, peut-être que faut pas que je fasse la con parce que ça peut aller loin, non? Bah, peut-être que ça peut aller loin, mais ça s'est pas produit, donc j'ai envie de dire, c'est tout bête, tu vois. Je continue. Voilà. Je continue, c'était hyper drôle, donc clairement. Ouais. Et donc, il s'est passé des trucs très. L'histoire la moins glauque qu'on a eue. Et que j'ai vécu personnellement, Donc on dort à l'internat, chacune dans nos chambres, machin, bidule. On était entre 4 et 6 par chambre. Et moi j'étais dans une chambre de 4. Et on se réveille, on devait partir le matin en expédition scolaire. Et donc on devait se lever très tôt, mais il n'y avait qu'une partie de l'internat qui partait. Donc en gros, les premières chambres partaient et les dernières partaient pas. Donc ils nous avaient tous groupir dans des chambres pour qu'on réveille pas l'entièreté de l'internat quand on se devait se lever à 4h du mat, un truc comme ça. Et on était hyper excités par le voyage, donc on a beaucoup de mal à s'endormir. Et moi, au milieu de la nuit, je me réveille parce que j'entends du bruit dans le couloir. J'entends des conversations, mais feutrées. Vous savez, beaucoup de gens qui parlent entre eux. Comme si c'était une foule, quoi. Oui, c'est ça, où tu comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est comme un vernissage, quoi. C'est une conversation feutrée. Un vernissage à 3h du matin. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, le niveau sonore était tel que c'était genre des... Et moi, dans ma tête, j'étais persuadée d'avoir raté le réveil et que c'était mes camarades qui se préparaient. Donc, je réveille ma copine qui dormait avec moi en mode Victoria, vite, vite, il faut qu'on se lève. On a raté le réveil. Et elle se réveille, elle regarde l'heure et il était genre 1h ou 2h. Donc pas du tout l'heure où on devait se lever. On se regarde toutes les deux en mode on est d'accord qu'on entend ce qu'on entend. Mais c'était vraiment hyper normal entre guillemets, genre il y avait rien d'effrayant. Juste des conversations mais chelou parce qu'il était 2h du matin quoi. Ouais, bah chelou parce que c'était pas du tout l'heure de se lever et puis on se regarde. T'avais pas des surveillants qui... Bon, après, des surveillants qui foutent le bordel. Si, bien sûr, j'avais le... Mais là, ça faisait vraiment un groupe de personnes. Il y avait vraiment du monde, quoi, je veux dire. Donc, on se regarde, je la regarde, on se regarde. Je fais bon, bah, je vais me lever, bref, hein, écoute. On se regarde. Bref, on se regarde, c'est exactement ça. Je fais bon, bah, je vais me lever, hein, à un moment, il faut ouvrir la porte, hein. Et j'ouvre la porte, il n'y avait rien dans le couloir. Ah, et les... Et genre, les bruits continuent ou pas? Non, et quand j'ai ouvert la porte, les bruits se sont arrêtés. D'accord. Ouais. Et donc on s'est regardé avec Victoria en mode c'est un peu chelou, on s'est rendormi et le lendemain matin, enfin 2 heures plus tard du coup quand on s'est réveillé, on s'est dit genre on est d'accord que ce qu'on a vécu cette nuit c'était pas un rêve. Elle me fait oui on est d'accord, très bien, alors d'accord. Et donc voilà, on n'a jamais eu d'explication à ce qui s'était passé, on l'a toutes les deux entendu, bah on l'a toutes les deux entendu mais titre quoi, qu'est-ce que tu voulais faire? Rien. Bah ça fait flipper un peu à moi. Oui, tu te demandes ce qui s'est passé, effectivement. Oui, on te pose la question de ce qui s'est passé, mais il y a eu plein de trucs chelous dans cet internat parce que il y a eu plein d'histoires, genre c'était un hôpital, c'était un hôpital militaire, ça a été un pensionnat de nonnes. Alors un pensionnat de nonnes avant une époque assez récente, c'était quand même l'endroit où on envoyait les jeunes filles pour se faire avorter ou accoucher clandestinement en mode j'ai rien vu, Mimi je t'embrouille. Et en fait, quand ils ont creusé quand ils ont remblayé un vieux bâtiment pour faire une cave à vélo, rien à voir, ils ont trouvé que c'était le cimetière de fœtus de l'abbaye, quoi. Parce que une fois que les nanas se faisaient avorter ou abandonner les enfants, que ça soit des jeunes femmes ou des nonnes, hein, c'est possible, hein, on n'en sait rien, et bah, fallait se débarrasser des corps. Donc ils avaient une espèce de fosse commune dans un vieux bâtiment là au fond. Et puis ils se débarrassaient des corps ici, quoi. Et ça a été le repas à la cantine la semaine suivante. C'était les lasagnes. Mais pour une fois, vous noterez, c'était pas du cheval. Oui. Ça me fait des efforts, attention. Et toi, Théo, t'as pas d'histoire, toi? Non, mais j'ai plein de choses qui m'arrivent en ce moment qui sont pas des trucs de ouf, hein, mais Il a une malédiction sur sa bagnole. J'ai une malédiction avec ma voiture. Et voilà, au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Assume toujours ou pas? Oui, alors assume toujours, mais l'autre fois, je rentre chez moi et je tourne sur la petite route qui me mène à chez moi, et là, j'entends cling, cling, cling, cling sur le sol. Je me dis, ah, c'est bizarre comme bruit. Et là, je regarde devant moi et je vois que mes phares n'étaient pas comme d'habitude. Donc, je me gare sur le bas-côté, je sors de la voiture et tout, et effectivement, la glace du phare qui n'avait pas bougé depuis 30 ans, s'est barré, s'est cassé en mille morceaux parce que c'est du verre. Donc voilà. Donc ça c'est un des nombreuses choses que me fait ma voiture en ce moment, comme le fait que j'ai remplacé le moteur de centralisation du coffre il y a 3 mois et que ça s'est bloqué là en position fermée, ce qui fait que hier j'ai voulu mettre un escabeau dans la voiture. Et pour mettre l'escabeau sans ouvrir le coffre, c'est vachement plus compliqué. Donc ça va devenir shérif et moi peur la voiture. Non mais elle ne fait que ça. Non, non, c'est Christine la bagnole. Un jour, elle va chercher à te tuer, c'est tout. Des fois, tu remplis, tu sais, normalement, tu remets pas de liquide de refroidissement, mais il s'avère que le gars qui me l'a vendu avait changé la courroie de distribution sans changer la pompe à eau, ce qui fait que ça a tendance un peu à fuir. Donc tu te dis, bon, allez, tous les deux mois, tu remets un peu de liquide de refroidissement et puis ça fonctionne. Sauf que là, en fait, des fois, elle n'en perd pas du tout. Je contrôle pendant une semaine, deux semaines, elle n'en perd pas. Et puis d'un seul coup, tu ouvres le capot, pouf, il n'y en a plus. Donc c'est Christine, cette bagnole, moi je vois que ça. Et voilà, donc ma voiture est tentée. Voilà, c'était mon histoire. Avant, voiture pas chère. Peut-être déjà habitée, mais bon. Voilà. À voir. À partager, c'est de l'autopartage, hein. c'est très tendance. Hein. Ah, et vous, ceux et celles qui ont des animaux chez vous, ça vous est arrivé que, surtout les chats, hein, ça vous est arrivé que votre chat ou votre chien fixe un endroit en mode il n'y a rien, mais il le fixe chelou, ou il crache carrément sur un endroit vide. Comme un débile, tu sais pas. Ouais. Alors, il faut savoir que ce qu'on t'en dit, c'est intéressant parce que j'ai vu plein de vidéos, par exemple, de Yuski qui allait dans des endroits et qui faisait le même trajet parce que en fait les animaux ils ont un sixième sens apparemment, je sais pas si c'est vrai à confirmer, mais c'est un peu des entre guillemets des médiums, ils ressentent des choses que les humains ne voient pas forcément. C'est ma théorie, Jolan, hein, mais par rapport à ça, c'est que en fait nous on a certaines choses dans notre civilisation qu'on a qui se sont substituées à des talents qu'on avait de base, enfin que l'être humain avait de base, tu vois, des sensibilités qu'on avait, et les animaux ils les ont gardées, ces sensibilités. Ah ouais. Donc, des choses que nous on ne sait pas expliquer ou qu'on ne voit pas ou on ne veut pas voir parce qu'on a notre idée de voilà, ça n'existe pas, c'est comme si, c'est comme ça, et les animaux par contre eux le ressentent. Martin, toujours pas d'histoire? Hein, non. On va te faire foutre, quoi. Teddy. Moi, personnellement, j'ai mes parents qui ont trois chats à la maison, puis non, il y a jamais eu de trucs chelous. Pourtant, c'est des chats en général. J'ai pas de souvenirs. Et moi, si vous voulez, j'en ai une petite, c'est une histoire. Vas-y, Teddy, je t'en prie. Allez, elle va être sympa en plus. Ça va être l'histoire de ma phobie des papillons. Ça va être joli. J'étais sûr. Pourquoi j'ai peur des papillons? Non, c'est qu'ils m'ont fait flipper, ces bâtards. Ils ont réussi un truc que peu de choses peuvent faire. Enfin, ça m'arrive d'avoir peur, hein, comme tout le monde, j'imagine, mais un papillon quand même, voilà. Faut y aller. J'étais dans ma chambre. J'habitais chez mes parents, hein, donc voilà. J'avais une chambre, mes parents à côté, la famille ailleurs, enfin voilà, peu importe. J'étais dans ma chambre, c'était le soir, j'étais couché, tout allait bien, j'essayais de dormir, clairement. Quand j'entends à un moment, il fait tout noir dans ma chambre, je ne vois pas. Mm-hmm. J'entends à un moment des genres de bruits de pas. Alors chez moi, c'était à l'étage de chez mes parents, et il y avait du parquet partout, et quand tu marches, ça fait un certain bruit. Ah bah ça craque le parquet. Oui, je dirais pas ça craque. Les pas des proches. Oui, voilà, c'est ça. Bah, tu reconnais, puis là, tu entends des pas. C'est chelou. Tu reconnais pas. Bah ouais, tu les reconnais pas. Puis surtout, qui marche à 7 heures sans allumer la lumière? Parce que s'il y a de la lumière dans le couloir, bah dans ma chambre, je peux voir un petit jour. Sous les portes, il n'y a pas forcément des trucs. Voilà. Et là, j'entends des pas. Puis je me dis, mais putain, c'est quoi ce délire? Puis. Ils sont vachement proches quand même. C'est même pas s'ils se rapprochent, c'est genre c'est à côté de moi. Et là, bad flip total. Je me dis, mais attends, qui peut être dans le noir dans ma chambre à cette heure-là? À part un tueur. Du coup, le réflexe de chaque humain, se défendre, se cacher sous la couette. Parce que la couette, tu es immortel. Mais t'allumes pas la lumière. Ça, c'est pas le réflexe. Je peux pas allumer la lumière de chaque flippette. Bien sûr que si. Tout le monde, chaque humain se cache sous la couette quand il a peur de quelque chose. Parce que sous la couette, on est. Mais si, sous la couette, c'est comme si tu jouais à chat perché. Moi, je sors mon arme à feu qui est cachée sous le matelas et je tire. J'étais jeune, j'avais même pas 15 ans, j'étais encore plus jeune que ça, je me rappelle même plus quel âge j'avais. Oui, j'étais un bibi. Et ce problème, c'est que la lumière, moi, elle était à l'autre bout, elle était à l'entrée de ma chambre. Ah, mon lit était au fond. Ouais. Donc je peux pas allumer de lumière. Et j'avais pas de portable, évidemment. Ouais. C'est trop. Donc bah je flippe à mort, je reste sous ma couette, j'entends les bruits de pas, je reste pendant je sais pas peut-être 10 minutes comme ça à flipper sa race. Au bout d'un moment, à mourir étouffé sous ta couette. Hein? À mourir étouffé sous ta couette. Oui. Ouais, bah t'as chaud, hein. T'as clairement chaud sous la couette. Le mec est mort sous la couette parce qu'il est un fantôme. J'espère que t'as pas pété entre temps parce qu'avec le stress, des fois. Non, je crois pas. Je sais pas. T'es en train de mourir d'asphyxie sous ta couette. J'appelle, je décide à gueuler et à appeler mon père. Ouais. Alors mon père, bah il vient, il est en slip, il est. Qu'est-ce qu'il y a? il allume la lumière, hop, je sors de sous ma couette, je regarde, rien. Je dis putain, c'est quoi ce bordel? Donc oh là, bad flip total. Et t'as jamais eu l'explication, quoi? Bien sûr que si, puisque j'ai dit que c'était ma phobie des papillons. C'est un spoil, entre guillemets. C'est le papillon qui fait craquer le parquet. Attends. Ah, mais les gros papillons, en vrai. Faut arriver jusqu'au bout. Ça tape et tout. On fouille toute la chambre. Parce que j'avais flippé sa race et j'ai convaincu mon père que, ouais, il y avait quand même quelque chose qui tapait, hein. J'étais pas fou. Enfin, j'essayais de m'en convaincre. Donc je regarde, on fouille partout, que dalle, je regarde par la fenêtre parce que j'avais une fenêtre juste à côté de mon lit. Je regarde, que dalle. Bon, bah au bout d'un moment, bah on va se recoucher quoi. La vie continue. Je me recouche, alors pas serein évidemment, voilà. Rien, que dalle. Bon, bah c'est cool. Jusqu'à un moment où que bah non, il y a quelque chose en fait, ça revient. J'entends des bruits et plus fort. Pourquoi plus fort? J'en sais rien. Ne me demandez pas, j'en sais rien. J'entends les bruits. Ça fait des bruits de pas et ça cogne vite. Flap. C'est les ailes. Ouais, les ailes. C'est pas exactement les ailes. Donc là, je flippe sa rage. J'appelle mon père direct. Il allume la lumière. On commence à rechercher. Relou, t'es dit. Bah oui. Mais quand on allume la lumière, à chaque fois, il y avait rien. Bah oui, ça c'est chiant. Et on allume la lumière, on cherche, on trouve que dalle, on entend rien. Puis là, à un moment, j'entends quelque chose, alors qu'il y a la lumière. Et je sais pas, j'entends que ça vient de la fenêtre. Je regarde par la fenêtre. Alors, mon pote, accroche-toi bien. Il y a un machin. Il devait faire à peu près 30 cm d'envergure. La sardine du port de Marseille. C'est une chance. C'est pas un papillon. Alors, figure-toi que des papillons de cette taille-là, ça existe. Ça existe. Mais pas généralement, pas par chez nous. En France, il y en a presque pas. C'était une chauve-souris ou... C'était un papillon. Ouais, mais oui. Un papillon de nuit. Alors, faut savoir, ma phobie, elle est venue de là, hein, je pense, hein, clairement. Ça doit être à cause de ça. Ouais. Quand j'ai vu cette saloperie, bah merde, fait chier quoi. Elle m'a fait peur pour rien quoi. Même si maintenant j'ai peur des papillons. Faut savoir que les papillons comme ça existe. Il y en a notamment en Réunion. En Réunion, il y en a plein, c'est courant. Oui. À la Réunion. À la Réunion. Oui, c'est pareil, à la Réunion. Parce qu'en Réunion. Non, en Réunion, c'est pas la même chose. En briefing le lundi matin, il n'y a pas de. Mais si, il y en a. Mais bon, il y en a et ça porte un nom, mais je m'en rappelle plus parce que pour eux, c'est courant d'avoir peur de ces créatures. C'est pas une blatte ou un truc comme ça. Mais non, c'est un papillon. Non, la phobie des papillons. La phobie des papillons, ça porte un nom. On m'a sorti ça, quelqu'un qui venait de la Réunion. De la phobie des papillons, pardon, j'avais pas compris. Parce que la plupart du temps, quand je raconte ça à des gens, ils se foutent de ma gueule, évidemment. Par contre, quand j'ai raconté ça. Oui, non, mais c'est moi aussi, je comprends, hein, clairement. Mais, l'épidophobie. Ça a été plus vite que exactement. Moi. Exactement, ouais. Bah oui, j'y étais aussi dessus. Quand j'en ai parlé à un Réunionnais, lui, il m'a dit ah ouais, bah ouais, c'est courant, c'est normal. Ah ouais, d'accord. Et bon, oui. Alors cool. Apparemment, il y a un énorme papillon d'Europe qui s'appelle donc le Saturniana pieri, qui vit donc en Europe, comme son nom l'indique, qui peut faire jusqu'à 30 cm d'envergure, effectivement. Mais il n'a été trouvé qu'auprès de deux villes, à Musillac, je ne sais pas où c'est, et à Vannes, qui est donc en Bretagne. Eh ben, il y en a un en Indre-et-Loire, à Autrèche. Il y avait un papillon, Léon. Non, mais c'est un bébé sanglier, c'est tout, c'est dit, arrête. Bah, bébé donc, sanglier, j'ai pas peur des sangliers, moi. La peur des papillons, c'est la lépidophobie, et la peur, lépidophobie, c'est la peur des papillons de lumière, n'est-ce pas? Ouais. D'accord, lol. Sûr, ah mais ça c'est un papillon de nuit, ça. C'est un papillon de nuit. Petite référence. Mais avec t'es sûr que c'était pas une chauve-souris? Tu sais que je suis quand même un expert dans le domaine animalier quand même. C'est un mec. Je sais reconnaître. Ouais. Vas-y. Je pose mes couilles sur la table. Ce n'est pas une chauve-souris. Sans compter que mon père. Eh ben il était déjà à l'extérieur. Oui, il était sur la vitre. C'est ça le pire. Il cognait sur la vitre et tellement que ça cognait fort, on confondait ça avec des bruits de pas. Le truc impensable. Bon, en fait, je dis à peu près 30 cm parce que j'ai mis ma règle sur la fenêtre pour essayer de mesurer. Ah, t'as quand même pris le temps de faire ça. Moi, c'est un matheux, t'as dit, attention. Il cognait sur la fenêtre, donc j'avais le temps. Ce problème, c'est que ça bouge quand même, cette saloperie. Hein. Donc, et ma règle, bah ouais. Je t'imagine en train de faire. En mesurant ton papillon. Ça n'empêche que dès qu'il y a un papillon dans le studio, il s'en va. Ah, mais c'est la panique. Hein. C'est horrible. Ah, ouais. Ça fait 30 cm hein, les papillons Indestar. Ouais, mais hein, de près, c'est très moche. On parle des araignées Indestar, Théo. Bah, elles font 30 cm non, de diamètre. Non, elles font pas 30 cm les araignées, ok. Donc une phobie, ça reste une phobie. C'est l'arachnophobie et on est beaucoup plus. Alors, ouais, mais vous avez tort. J'ai pas peur des araignées, mais il m'est arrivé un truc. Les araignées, elles chassent les papillons. Il m'est arrivé un truc bizarre dans les studios avec, avec Théo, justement. On était en train de, je sais plus pourquoi, de remettre les baumettes sur les micros. T'es devenu Spider-Man ? Et t'as une araignée qui est descendue de la baumette du micro. Théo, il a couru, il a hurlé, il a lâché. Ah oui, bah ça s'appelle une phobie. Mais oui, j'ai peur des araignées. Et, bon, alors après, maintenant, les petites, je les maîtrise, honnêtement. Mais, ouais, je les maîtrise, ouais, je par la pensée. Je la défonce, ouais. Bah, disons qu'il y a combat à égalité. Mais par contre, les plus grosses, comme l'autre fois, il y en avait une dans le studio. Moi, ce que j'ai horreur, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est que quand t'as une araignée, tu sais qu'elle est là, tu vois, et tu la vois plus. Elle disparaît. Et là, tu sais qu'elle se cache et tu sais pas quand est-ce qu'elle va réapparaître. Et quand tu dois rester dans la même pièce, tu te dis qu'à un moment donné, elle va atterrir, genre elle va arriver, tu là sur tes genoux, je suis là dans ta main. Mais non. Mais si, mais c'est horrible. Mais c'est... En fait. Ouais, mais ça, la théorie, tu veux que je te raconte quelque chose? C'est un auteur de BD, Boulet, il s'appelle Boulet, l'auteur, qui a fait 4 cases sur une planche où donc il se réveille, il voit une araignée, il la quitte pas du regard. Et la case d'après, il a tourné la tête. La case d'en dessous, il n'y a plus l'araignée. Oui. La dernière case, il a brûlé la maison en marquant « J'étais obligé ». Bah oui. Non, mais moi, ça m'est arrivé quelques fois comme ça d'avoir des araignées qui disparaissent. Et quand j'étais chez ma mère, et ouais, je vais me coucher, je reste pas dans la pièce parce que j'aime pas cette présence de savoir qu'il n'y a plus l'araignée, quoi. Et un jour, il y a une araignée qui est arrivée, pour vous dire à quel point elle était grosse, c'est qu'en fait, je l'ai entendue arriver. Pac-a-pac-a-pac-a-pac-a-pac. La pièce était calme, tu vois, mais l'araignée marche en fait sur les feuilles sur mon bureau et j'entends un clac clac clac clac clac clac. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là je détourne mon regard, je vois l'araignée, j'ai bondi et là je lui ai explosé en tête à l'araignée. Mais la gueule. Ah ouais, non mais clairement, c'est une araignée. Moi je vois je sais tous les bienfaits de l'araignée. Ouais, mais une phobie, tu peux pas le contrôler. Moi je vais vous raconter un truc, moi ça m'est pas arrivé personnellement, mais c'est ma sœur qui me l'a raconté, parce que tu sais, on a eu la chance d'avoir voyagé dans certains pays. Et on a été en Afrique notamment, au Mozambique, on a des amis qui ont un hôtel là-bas, du coup ils nous avaient hébergés quelques jours dans leur hôtel. Et il y avait une petite cour principale où tout le monde s'amusait et puis c'était vraiment la tombée de la nuit, tu vois, et on était gamins, quoi, on jouait à cache-cache pour la nuit. Et ma sœur, à un moment, on l'a entendu hurler et puis elle nous a raconté qu'il y avait un truc qui lui grimpait sur le bras. Et en fait, elle tout de suite, elle a eu le réflexe de la pousser avec sa main pour la foutre par terre, tu vois, mais en fait, elle est bien, ses pieds, c'était une mygale. Ah ouais, le gros truc bien badass, et c'est pour ça qu'elle a hurlé, du coup elle a un peu les jetons des araignées. Non mais je comprends totalement. Il y a des mygales au Mozambique ? Ouais, il y en a, ouais. Il y en a. Des mygales ? D'accord. Ah, mygales, d'accord. Mygales, scorpions, tout ça. Ouais, bah oui, non mais t'as certains pays, je pense à l'Italie, ils ont tout en énorme. Ouais, en très gros et en très venimeux. Ma phobie en Afrique, c'était les scolopentes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des millepattes très venimeux. Ah ouais, bah après, parce que non seulement c'est impressionnant, mais en plus c'est dangereux. Hein. Ouais. Il y a des animaux, faut s'en méfier. Des animaux très mignons après. Oui, heureusement. Les girafes, les crocodiles. Un chat. C'est très mignon. Exactement. Bon, il est minuit, ma voiture est en petite couille. On va peut-être se souhaiter une bonne soirée. On a été très content de passer ce moment avec vous et de profiter de la soirée à Halloween. Faute de se voir, de se faire cette émission à distance, j'espère que ça vous a plu également. Si vous avez raté un bout de cette émission, sachez que vous avez les podcasts qui sont disponibles sur indestar.fr et puis sur une vingtaine d'applications. Moi, j'écoute sur Podcast Addict, mais il y a Spotify qui marche bien, il y a Deezer qui marche bien, il y a TuneIn Radio qui marche très bien. Voilà, ouais, tu es une radio où vous pouvez d'ailleurs écouter une des stars en live aussi, ce qui est pas mal, notamment en déplacement. Et puis on vous promet, on n'a pas encore fait le planning, mais parce que forcément confinement oblige, on peut pas poursuivre la continuité de nos émissions à l'antenne durant la semaine. Donc on a décidé qu'on se ferait des petites émissions comme ce soir, mais sur d'autres thématiques, peut-être un petit peu plus larges. On va vous proposer ça tout au long de la semaine, peut-être deux émissions par semaine à voir. En tout cas, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Puis suivez également le compte Instagram, hein, Linda, que tu mets à jour régulièrement. On vous met des photos, on vous met... On fait que ça soit sympa, quoi. Voilà. Ouais, exactement. On vous fait vivre avec ça, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Ça s'appelle Indestar Radio sur Insta et la page d'Indestar tout simplement sur. Ils peuvent retrouver les liens sur le site directement. Évidemment, il y a tout sur le site indestar.fr. Merci Teddy pour le côté technique, hein, puisque tu es le seul au studio ce soir. Ouais, sans problème. Tout géré. Je sais pas si on était gérable. Bon, ça va en vrai. Hein. C'est juste qu'en fait, j'espère que dans les podcasts, on vous entendra correctement. Bon, on va voir. On espère aussi. Bon, ça a pu être un petit peu le cafouillage à des moments donnés, notamment sur le blind test, parce que on n'avait pas un retour assez efficace de notre côté, donc c'est pas évident à gérer. On passe par la plateforme Discord pour s'entendre tous. Mais en tous les cas, c'était histoire de passer un moment ensemble. On vous souhaite un joyeux Halloween. Merci Virginie. Merci Audrey, merci Jolan, merci Linda et merci Martin. Et merci Théo parce qu'il va s'oublier ce con. Merci à toi. Et merci à moi, ok. Rendez-vous vite. On a bien sûr pour faire plaisir à Teddy et à nous tous, Lindsay Sterling avec son titre Element. Ça s'appelle Element sur Indestar. Et puis on vous souhaite une agréable soirée et un bon week-end sur Indestar. Ciao, ciao. Des bisous. Salut. Bisous. Au revoir. Bonne nuit. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.